La radiodiffusion française et la Société des comédiens français créent aujourd'hui pour vous Joli tambour, trois actes en 12 tableaux de M. Julien Luchaire, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici quelle en sera la distribution. Messieurs Maurice Chambreuil, le roi. Marcel Lemarchand, l'huissier. Pierre Gallon, le gamin. Jacques Clancy, Pierre le joli tambour. Raoul Henry, le ministre de la guerre. Georges Baconnet, le nabab. Jacques Servière, le ministre de l'intérieur. Daniel Le Courtois, Séverin, le tambour-major. François Vibert, le ministre des finances. Georges Poulot, le médecin. Tony Jacquot, le page. Gilbert Guiraud, Mathieu. Mesdames Moni Dalmès, la princesse. Yvonne Godot, la duchesse Cydalise. Lynn Noro, Louise. Denise Jans, la gouvernante. Et Denise Pezzani, la gamine. Les commentaires seront lus par Madame Suzanne Nivette. Plus d'une vieille chanson française contient les éléments d'un drame comique ou tragique. On a fait une pièce avec Malbroux, en voici une tirée du joli tambour. On connaît la souriante histoire du jeune tambour revenant de la guerre qui passe une rose à la bouche sous la fenêtre de la fille du roi. La princesse lui demande sa rose, il demande sa main. Il possède, dit-il, trois vaisseaux dessus la mer jolie. Le roi lui donne sa fille. Mais il passe en chantant « Dans mon pays, il y en a de plus jolis ». Une poésie se dégage aisément de ces 12 strophes allègres qui finissent par une insolence, qui est aussi un appel à l'amour. Elles ont fourni la matière de 12 tableaux. Tableaux de rêve. Il se passe dans un royaume imaginaire, hors de l'espace et du temps. Et le jeune héros de la pièce, Pierre, le joli tambour, est un rêveur. Alors, chacun des 12 décors est un paysage de rêve démesuré, fantastique. Fantastiques sont aussi les péripéties causées par les désirs immodérés du jeune Pierre, car il poursuit à la fois la richesse, le pouvoir et l'amour. Poursuite enivrante et dangereuse, où peu s'en faudra tour à tour qu'il ne gagne une couronne et ne perde la vie. Il se heurtera à l'égoïsme, la cupidité, l'ambition, la fraude, la sottise, la violence, la lâcheté, en autant de personnages qui danseront autour de lui comme des fantômes grotesques ou odieux. Mais rien n'aura prise sur lui, parce qu'il est pur, parce qu'il est gai, parce qu'à ses sombres figures évanescentes, il oppose sa rayonnante santé physique et morale. À la fin, il refusera d'épouser la fille du roi et s'en ira avec la paysanne qu'il aime, dans son village, là où dans l'humble et douce réalité, il n'y a plus de limite au rêve. Trois petits tambours, revenez de la guerre. Trois petits tambours, revenez de la guerre. Grand sang et entendant, revenez de la guerre. Nous sommes sur une petite place au sommet d'une colline d'où l'on aperçoit une ville immense. Des toits à perte de vue émergent par centaines. Clochers, tours, coupoles. Tout près s'ouvre le porche d'une petite chapelle délabrée. Le contraste est frappant entre la misère de la place et la splendeur de la capitale. Il n'y a personne. Trois tambours sont déposés devant la chapelle. Entre un petit garçon et une petite fille, hâves et déguenillés. Ils s'approchent des tambours, saisissent les baguettes et s'essayent à jouer maladroitement. Trois soldats sortent de la chapelle. Leurs uniformes bariolés sont sales et déchirés. Mathieu a les façons et l'accent d'un ouvrier des villes. Pierre est le plus petit. Ses manières sont pétulantes, sa voix chaude et claire. Séverin, tambour-major, est très grand, avec une formidable voix de basse-taille. Hé les gars, ne touchez pas à ça! C'est sacré. Oh, tu parles, sergent. Ils peuvent bien les crever maintenant. Oui, bah tu dois rendre le tir en bon état ou garde à prison, Mathieu. Ah. Pour 3 jours, tu es encore soldat. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas vu de gosse depuis 2 ans. Les petits, n'ayez pas peur. La guerre est finie, alors les soldats ne sont plus méchants. Pourquoi vous n'êtes pas à la revue de la victoire, comme tous les soldats? Pas tous. On a pris que les plus beaux. Donc le roi en est plein les yeux, et le populo. Vous êtes beau? Vous avez tué beaucoup d'ennemis? Des masses. Et ceux qui restaient, on les a reconduits en musique. Je veux plus entendre ça. Tu les effraies. Revenez. J'ai des biscuits dans ma poche. Des biscuits. Tenez. Des biscuits. Oh, comme vous êtes maigre. On n'a presque rien eu à manger. Parce qu'il y avait la guerre. Les soldats ont toujours à manger? Presque toujours. Et avant la bataille, beaucoup à boire. Je veux être soldat, moi je veux être tambour. Mais je t'apprendrai. On peut jouer moins fort que ce vilain-là. Comme on joue aux enterrements. Et les ennemis nous ont tués aussi beaucoup de copains. Ceux-là non plus ne sont pas à la revue de la victoire. Vous avez prié pour eux dans la chapelle? Elle est toute cassée, personne n'y va. Le bon Dieu n'y est plus. Et dommage. On aurait voulu lui demander quelques explications. Où demeure-t-il, le bon Dieu, dans ce patelin? Dans la cathédrale, pardi, c'est son palais. Vous avez vu le palais du roi? Non, nous voulons le débarquer. Il est à côté de la cathédrale, il faut 2 heures pour en faire le tour. Nous le visitons. Nous voulons tout voir. Le palais du roi ne peut pas y entrer. Oh, j'entrerai au palais du roi. Oh, Pierre, t'es cinglé. J'y entrerai et je parlerai au roi. Tu peux te présenter comme marmiton, mais tu ne verras que les cuisines. Si on t'acceptait comme caviste, Séverin, tu serais content? Ah, pour ça, moi qui voulais engager, je lâcherais l'armée. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est de vrais soldats? Et moi, je vous dis que j'entrerai dans la salle du trône. Et que je m'assierai dessus. J'ai peur. Oh. Alors, c'est peut-être des brigands déguisés en soldats. Ils sont déchirés et ça, alors c'est pas de vrais soldats. Et les mômes, voulez-vous nous faire voir la ville? On a peur de s'y perdre. C'est plus embrouillé qu'un champ de bataille. Vous ne connaissez personne? Du civil, poids. Bah, on est tout seul. Oh, alors vous êtes des étrangers. Maman nous a défendu de causer avec des étrangers. Frangine, sauvons-nous. Oui, oui, oui. Les deux gamins se sauvent. Des étrangers, quand on s'est fait casser la figure à leur service, hein. Je bouge pas d'ici. Les 3 soldats s'assoient par terre. Bon, entrons dans une maison, on nous doit bien un verre. Ouais, on nous doit. Les créanciers, personne n'aime ça. Puis ils sont tous à la revue. Ça les amuse de voir les gars suer sous leur barda. Bon, entrons dans une maison fermée, ça sera pas la première fois. Sans blague, nous sommes plus en guerre. Allons au palais du roi. Il y a bien les auberges. On n'a pas d'argent. Ouais, pas un rond. Mais au palais du roi, ça doit être plein d'or. Ah, tu peux toujours voir ça dans tes rêves. Avec tout ça, dans 3 jours, on n'aura même plus la soupe à la caserne. Vous chercherez du travail. Vous vous engagerez. Oh, y a pas de travail. Et pas de rengagement. Plus besoin de soldats, la guerre est finie. Et pas besoin d'ouvriers. C'est pas encore la paix. Tonnerre. Bah, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu rentreras chez toi? Chez moi. Je connais pas. Pas de famille. Et toi? Bah! J'en ai trop. Ils n'ont pas besoin d'une bouche à nourrir. Dans mon village, il y a mon père et ma mère et mes sœurs. Mais c'est loin. Des semaines de marche. C'est comme un désert. Rien que des prés et des bois. Ouais, je veux plus garder les vaches. Non, je les garderai bien, moi, à ta place. Il y a de jolies filles dans ton pays, Pierre. Celles de la ville ont la peau plus douce. Et elles sentent bon. Qu'est-ce que t'en sais? Et je le saurai. Sans rien leur offrir que ton joli museau. À celle que je choisirai, moi j'offrirai. Hein? Eh ben j'offrirai tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Oh, voyez-vous ça? Et celle que je voudrais pas, je vous en ferai cadeau. Merci, mon prince. Alors qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui c'est le grand jour. Hein? Viens, regarde tout ça. Toute la ville, là. Tout ça, c'est à nous. Allez, debout. Sacré Pierre, là. Et pourquoi on le suit? Bah, on sait pas. Marche au palais du roi! Non. deux tonnettes, entre ses lèvres une rose. D'un, deux tonnettes, entre ses lèvres une rose. Et rit et rend, rend bataclan, entre ses lèvres une rose. Ici, ce ne sont que roses. Roses sur la façade d'une petite auberge, roses sur le toit, roses sur la pergola dans le jardin, roses dans les plates-bandes, roses sur les tables, roses effeuillées sur le sol. En contraste avec tant de grâce et de gaieté, on voit à l'une des tables, à l'écart, un grand vieillard vêtu à l'orientale. Visage sombre, exalté. Il est immobile devant un verre plein. Entre les trois tambours, lentement, hésitant, l'air très là. Ah, tant pis, on s'assied. Oh, on n'en peut plus. On nous fera pas payer la chaise. Oh, peut-être qu'on nous donnera un verre d'eau pour rien. Oh, de l'eau. Alors, Pierre, tu l'as eu, ta ville, et ton palais du roi. Réception royale à coup de manche de hallebarde. Là, tu nous avais dit tout ça, c'est à nous. Eh ben, mon vieux. La patronne ne vient pas. C'est toujours un moment de gagner. Et ça ? Pierre cueille une rose. Arrive Louise. C'est une jolie petite femme, jeune et florissante. On la sent toute prête à la tendresse. Dites donc, vous, si chaque client faisait la même chose... Ah, mais je suis pas un client ordinaire. Vraiment ? Parce que j'ai pas un sou en poche. Vous manquez pas de toupet. Ben, on voudrait bien se reposer un peu. Ah, mais si vous voulez, on va s'en aller. Le nabab frappe légèrement sur la table. Louise se retourne. Il lui montre son verre, puis trois doigts, puis les soldats, et met son doigt sur les lèvres. Vous avez soif ? Ah, oui. Elle rentre dans l'auberge. C'est une brave fille. C'est une jolie fille. Ah, t'as trouvé ça tout seul. Mais ce n'est rien pour nous. Mais pourquoi pas ? Ah, ben, par à trois. Louise arrive avec trois verres remplis comme celui du vieillard. Vous n'en voulez pas ? Oh, merci, patron. Ne me remerciez pas. Une aubette de tambour, jolie patronne. Oh, surtout pas ça, j'ai perdu mon mari à la guerre, vous comprenez ? Oh, pauvre femme. Oh, excusez-nous. Le chagrin ne vous a pas enlaidi. Oh, quand mon mari était là, j'avais la guerre à la maison. Quand il est parti pour la guerre, pour moi, la paix a commencé. Quand on m'a annoncé qu'il était mort, bien sûr, ça m'a fait un coup. Mais depuis, chaque fois que je vois un soldat, j'ai peur qu'on se soit trompé et que ce soit lui. Quel est celui de nous trois qui lui ressemble le moins ? Ah. Vous ? J'en étais sûr. Pourquoi ? Je vais vous le dire à l'oreille. Va doucement. Laisse-nous de la place. D'abord, personne ne me ressemble. Le nabab se lève, fait sonner des pièces sur la table et sort lentement en regardant Pierre avec beaucoup d'attention. Il t'a regardé drôlement. D'un œil sévère, il t'a pesé. Et qui est-ce ? Je sais pas. Pourtant, il vient ici tous les jours, sauf le dimanche où il y a beaucoup de monde. Toujours seul, il dit jamais un mot à personne. Il reste à peu près une heure et puis il s'en va après avoir seulement trempé ses lèvres dans son verre. Il boit jamais, vous voyez ? Oh, faut-il qu'il soit riche ? C'est pour vous qu'il vient. Je crois pas. Vous comprenez ? Depuis le temps, il l'aurait dit. Et s'il avait voulu ? Insolent ! Est-ce que je suis un plat pour des vieilles dents ? Mais c'est pour vous qui vient. On peut venir tous les jours, rien que pour vous regarder. Vous avez une façon de regarder. Je dis à tous les hommes avant les pattes, à vous, il faudrait dire avant les yeux. Mais vous ne le dites pas. Non. Ah, brigand ! Au frais ! Ils sont jaloux. Ils voient que j'ai plus de sympathie pour vous. Oui. Sans mes copains, nous avons toujours tout partagé. Même les femmes ? Oh, à la guerre, on avait peu d'occasion. Et alors, on était plus de trois pour en profiter. Mais je n'aimais pas ça. Ah. Et avant ? Petit drôle ? Avant ? Avant, je ne m'en souviens plus quand je vous vois. C'est vrai que vous savez parler. Vous restez dans notre ville ? Je crois pas. Où irez-vous ? Je ne sais pas. Personne ne vous attend nulle part ? Non, c'est moi qui attends. Quoi ? Oh, des choses extraordinaires. Mon auberge vous plaît ? Tout près de la ville et déjà à la campagne, elle est bien placée. Je suis de bonnes affaires. Il y a des roses qui me plaisent et une patronne qui me plaît encore plus. J'ai aussi des champs tout autour, mais à moi toute seule, hein ? Ils sont en friche. Vous savez travailler la terre ? Je sais tout faire. Pas seulement l'amour. Oh, c'est le plus facile. J'aime tout faire mieux que personne. C'est comme moi. Ils se regardent, ils s'embrassent. Le nabab se montre. Mathieu et Séverin se lèvent effrayés. Il leur fait signe de se rasseoir, puis il va vers Pierre et Louise. Donnez encore à boire à ces messieurs. Bien, bien, bien. Merci. Bah, moi, j'ai plus soif. Tu es dévoré de soif, mon garçon, mais pas de cette petite boisson-là. Ah, tu regardes la patronne. Elle est de jolie couleur, mais c'est de la piquette. Quand je rêve d'une femme, elle a une longue robe de soie et des diamants dans les cheveux. Quand tu es entré, celle-ci t'a semblé le plus beau rêve. Maintenant, tu fais déjà un autre rêve. Quand elle a mis son bras autour du cou, c'était doux. Et veux-tu seulement la douceur? J'ai vu qu'à ce moment, tu ne regardais plus dans ses yeux, mais par-dessus son épaule. Que fais-tu dans cette guinguette? N'avais-tu pas dit « cette ville est à moi » ? Oh, je ne suis qu'un petit tambour. Un petit tambour, le monde appartient s'il y marche sans peur. Mais de quoi aurais-je peur? Bien. D'autres me disaient « je n'ai pas peur » et je les sentais trembler. Mais tu es celui que j'attendais. Je devais te trouver ici tout neuf et pur parmi les roses. Pierre, au fond de tes pupilles est le signe du merveilleux. Veux-tu pour commencer voir une merveille que nul ne peut regarder sans risquer sa tête? Une merveille? J'ai 100 fois risqué ma tête pour beaucoup moins. Quelle merveille? La fille du roi! Seule l'approche sans encourir la mort des personnes de haute noblesse. Quand elle se promène dans les jardins où elle est enfermée, les serviteurs même doivent s'éloigner. La fille du roi? Elle a des robes de brocart d'or et d'argent, brodées de pierreries. Et elle est belle! Très belle! Très belle! Ah, j'ai voulu entrer ce matin au palais du roi et les gardes m'ont chassé. Mais fais le tour du palais. Au bout du mur qui entoure les jardins, tu verras la fenêtre d'un kiosque. Arrête-toi sous cette fenêtre et attends. Et après? La fenêtre s'ouvrira et ton destin. J'y vais! Un moment! Si je te demandais quelque chose en échange de ce beau présent... Je n'ai rien à perdre et rien à donner. À la bonne heure, je ne te demande qu'une promesse, à être toujours toi-même contre tous. Ne jamais regarder en arrière, ne jamais t'arrêter. Vouloir toujours plus que tu n'as. J'aurais pas de peine à tenir cette promesse-là. Hé, Séverin, Mathieu, eh, oui. Tu vas faire un tour de promenade. Restez ici jusqu'à ce soir. Si je ne reviens pas... Cherchez-moi demain au palais du roi! Oh! Il m'a même pas dit adieu. Il est comme ça. Ouais. Il est comme ça. La fille du roi était à sa fenêtre. La fille du roi était à sa fenêtre. Et en battant, était à sa fenêtre. Nous voici dans les jardins du roi, devant une perspective d'allées majestueuses bordées d'arbres gigantesques. Plus près, des parterres plantés de fleurs dressés comme pour une parade, des ifs taillés en formes rigides ou tortes. De place en place, des statues en sentinelle. Tout près s'ouvre un petit kiosque d'un style vaguement chinois, au fond duquel est une fenêtre. Nous devons savoir qu'elle donne sur une rue et que nous sommes au fond du parc. Ouf ! Elle ne pouvait pas appeler un domestique pour porter ce monument. On voit que tu es nouveau de ce matin. À moins d'être de noble naissance, nul ne doit l'approcher à moins de 15 pas, ni toucher un des objets qu'elle touche. Mais tout de même, je suis marquis. Et moi, duchesse. Et je vide son pot de chambre. Toute la personne de la fille du roi est sacrée. On t'a bien dit que tu ne dois jamais lui adresser la parole le premier. Oh oui. Et si elle me demande si ce fauteuil n'est pas trop lourd, pourrais-je répondre que dans un jardin, une chaise longue en osier serait mieux à sa place qu'un trône doré? Elle ne te demandera rien et ne te dira pas merci. Ben, j'ai sué, je vais prendre froid, là. Oh, garde-toi bien de t'enrhumer. Tu serais renvoyée. Tu ne dois pas te moucher devant elle. Et même, surtout si le roi est là et que tu dois dire un mot à la princesse, détourne la tête. Ton haleine est peut-être empoisonnée. Dis donc. Dis-moi, vous. Tu n'es que marquis et je suis duchesse. Notre souverain maître devant lequel nous tremblons tous tremble devant les microbes. Devant tout ce qui ne sait pas la différence entre leurs altesses et les autres mortels. Tu remarqueras qu'il n'y a pas un rosier dans ces jardins, à cause des épines où elles pourraient se piquer. Chaque matin, une armée de jardiniers fait la chasse aux fourmis, aux scarabées, à tous les insectes, sauf les coccinelles. Et il n'y a pas d'oiseaux ici, sauf en cage. Parce qu'en liberté du haut des arbres, ils ne sont pas toujours respectueux. Oh, ne t'assieds pas sur ce pliant. C'est celui de la baronne gouvernante qui arrive avec elle. Ah, elle n'est que baronne. Oui, on a dû descendre jusque-là pour trouver dans la même personne un Argus à 100 yeux et un Cerbère à 3 gueules. Bah, c'est gai. Il faudra que je reste debout. Un page assis ? Le palais s'écroulerait. Mais pourquoi m'habille-t-on en rose ? Ça me battrait mal. Depuis plusieurs siècles, les pages sont en rose et les demoiselles d'honneur en bleu. Fais-toi une raison. Crois-tu que cette collerette n'est pas un supplice ? On ne doit pas voir un doigt de ma peau. Ce serait un scandale. Et pourtant, elle est d'un grain très fin. Ah. Et de jolie couleur. Tant que ça. Regarde. Mais ne touche pas. Oh, la ferme, les voilà. Elle se ragrafe en hâte. Entre la princesse Marfise et la gouvernante. La princesse a une robe à longue traîne, scintillante de broderies, d'or et de pierreries, et sur la tête une couronne de diamants. Elle est majestueuse et stupide. La gouvernante est une duègne typique. Son visage tient à la fois du perroquet et du vautour. Elle est tout en noir. La demoiselle fait une grande révérence. Le page un profond salut. Il reste debout. La princesse s'assied sur le trône. La gouvernante sur un pliant. Duchesse, vous pouvez vous asseoir. Votre corsage est mal agrafé. 3 pas plus loin. Vous perdez la tête. Ramenez votre jupe, on voit vos chevilles. Elle l'examine avec un des nombreux face à main qu'elle choisit suivant la distance. Vous n'avez pas votre visage ordinaire. Ce page vous aurait-il dit un mot offensant pour votre pudeur ? Je connais la parfaite pureté de votre âme. Un mot, même un regard, suffirait à la ternir. Elle examine le page. Cette pâleur et cet air efféminé sont à la fois rassurants et suspects. Marquis, fermez cette fenêtre. Il passe peu de gens dans cette rue, mais l'air du dehors est toujours vicié. Princesse, oserais-je dire à votre Altesse que je ne comprends pas pourquoi elle a choisi pour but de sa promenade le lieu le moins désirable, le seul où une fenêtre s'ouvre sur un monde ignoble qu'elle ne devrait même pas concevoir. La divine intelligence de son souverain père a créé pour votre Altesse dans ses jardins immenses le monde tel qu'il répond à votre royale perfection. Tout y est splendeur, ordre et pureté. Il contient une forêt où ne rôde aucune bête sauvage, des prairies que ne foule aucun ruminant nauséabond, des collines et des vallées dont nul escarpement brutal ne viole la douceur, une rivière aux eaux impolluées et même un bras de mer inaccessible aux humains et aux poissons, également immondes. Marquis, vous vous tenez mal. Prenez modèle sur ces statues. Droite, immobile, les yeux levés au ciel. La seule façon qu'un jeune homme ne soit pas un objet d'horreur. Les 4 personnages restent un long moment silencieux et immobiles. La princesse tressaute, puis reprend sa pose solennelle. On entend ici les bruits du dehors. J'ai bien dit que cet endroit est malsain. Cependant, cette rumeur est la seule acceptable, puisqu'elle rappelle les glorieuses victoires de notre bien-aimé souverain. Duchesse, marquis, recueillons-nous dans cet impérissable souvenir. Je ne lis pas sur vos visages la pieuse exaltation qui transporte notre princesse et rayonne de son auguste face. Baronne, son Altesse sérénissime a daigné m'adresser la parole. Baronne, fous-moi la paix. Oh, oh, oh, ai-je bien entendu ? Hélas, j'ai entendu. Votre Altesse a prononcé, elle a daigné prononcer un mot qui n'aurait jamais dû parvenir à ses sacrées oreilles. Par où est-il entré ? Personne dans le palais n'aurait osé. Par cette fenêtre ? Cette maudite fenêtre ? Page, ouvrez cette fenêtre. Oh ! Oh ! Oh ! Altesse, mon devoir, mon douloureux devoir est de l'interdire. Un ordre exprès du roi. Il y va de ma tête. De votre tête, marquis. Le page s'arrête. La princesse se lève et fait un pas vers le kiosque. Oh ! Oh ! Oh ! Votre Altesse, touchez une poignée qu'un vil jardinier a peut-être maniée. Il y va de ma tête. Ma pauvre tête. Page ! Ouvrez. Le page ouvre la fenêtre. Notre gracieux souverain doit être averti. Ouf ! Je n'ai pas envie de rire. Vous avez ri sans permission. Page, qu'avez-vous dit ? Ouf est un mot que je ne connais pas. Que va-t-il m'arriver ? Celui que j'ai dit a failli faire mourir la baronne de saisissement. Je l'ai entendu ce matin dans la cour. Une servante le disait à un palefrenier qui... Oh, je n'ose pas dire ce qu'il tentait de lui faire. Il s'est arrêté aussitôt. Puisque ce mot a une telle puissance, pourquoi ne me l'a-t-on pas appris? Qu'en penses-tu, Cydalise? Comme votre Altesse ne tutoie pas la baronne, je pense qu'elle aurait dû dire « foutez-moi la paix oh. ». C'est un verbe qui se conjugue. Ah ? Alors à quoi m'a servi mon maître de grammaire ? On m'a laissé ignorer beaucoup de choses. Puisque pour la première fois, la baronne m'a laissée seule, parle, Cydalise, parle librement. Toi aussi, Page. Dites-moi tout ce que je ne sais pas. Tout, tout. Oh, Altesse, seul un homme peut apprendre tout à une femme en quelques minutes. Alors, Page, je t'écoute. Que votre Altesse m'excuse, je ne peux parler qu'assis. Exceptionnellement, je t'autorise à t'asseoir. Ce bruit excite ma curiosité. Page, va voir. Mais je ne vois rien. Ah ben, c'est pas d'ici qu'on peut rien voir. Une petite promenade en ville apprendrait long à votre Altesse. Je connais des endroits. En ville? Tu es fou. Pour me l'avoir proposé, tu devrais être pendu. Mais Altesse, je n'ai rien dit. Si, tu l'as dit. Qu'arrive-t-il? J'ai le vertige. Ça m'arrive aussi. Pas besoin d'aller loin. Quand je regarde mes jambes, j'ai le vertige. Vraiment? Mon devoir est de dire que les jambes de votre Altesse sont encore plus belles que les miennes, mais c'est la vérité. N'est-ce pas, Marquis? Mais oserais-je regarder de plus près? Je suis très agitée. Tout à l'heure, le nabab, ami de mon père, m'a fait une visite. Le vieux marchand indien? Il a des yeux effrayants. Il m'a dit que le prince charmant dont je rêvais passerait aujourd'hui sous cette fenêtre. On dit que le nabab lit dans les pensées, connaît l'avenir. À lui, j'ai répondu que je n'avais jamais rêvé d'aucun prince, mais avoue, je daigne avouer que ce n'est pas vrai. La pudeur me commandait de ne pas venir ici. Cependant, je suis venue. Ceci n'est pas digne de moi. Page, ferme cette fenêtre. Oh! Oh non! Ne ferme pas! Cydalise va voir. Il n'y a là qu'un petit soldat qui m'a fait un sourire. Oh, ma foi, un gentil sourire. Il a une rose à la bouche. Un soldat? Quelle horreur! Ferme cette fenêtre. Une rose. Il m'est défendu de toucher une rose. J'ai envie de faire une chose défendue. Il faut que je le fasse. Si je le fais, sans doute je serai calmée. Dis-lui qu'il se jette sa rose et qu'il s'en aille. On voit la demoiselle faire des signes. Elle recule un peu et attend les mains tendues. Après un instant, Pierre bondit par la fenêtre et tombe dans ses bras. La princesse pousse un cri. Pierre a la rose à la bouche. Du kiosque, il n'a pas vu la princesse. Il serre la demoiselle passionnément. Oh, vous êtes encore plus jolie que je ne croyais. Oh, pas devant la princesse. Pierre se retourne. Il regarde la princesse avec stupeur. Salut, Goujat. Il a mal compris, mais il est gentil. Sauve-toi vite, si on te trouve ici, tu seras pendu. Ah, donne-moi d'abord ta rose. Pierre la repousse. Va s'agenouiller devant la princesse et lui tend la rose. Ah! La princesse se lève avec un cri. Où est ton prince? Nous l'attendions. Le prince, c'est moi. Nous retrouvons Pierre seul dans le boudoir de la princesse, regardant autour de lui avec stupeur. La pièce est à l'opposé de l'idée que nous nous faisons d'une chambre de jeune fille, même royale. Immense, sombre, meublée de fauteuils rigides, ornée d'importants portraits d'ancêtres. Au milieu est un trône qui porte sur son siège de bois l'unique coussin de la salle. Pierre s'y assied un instant, puis prend le coussin, le met sur un escabeau, où il s'assied et attend. Entre la gouvernante. Restez, prince! Restez. Après tant d'épreuves, vous avez droit à quelques douceurs. Je ne saurais exprimer mon indignation et ma haine contre les sujets en révolte qui ont assassiné votre malheureux père et exilé un aussi charmant jeune homme. Mais n'ayez crainte, dès que vous voudrez renoncer à votre incognito, je suis sûre que toutes les forces de notre royaume seront employées à vous rendre vos états. Non, baronne, je désire que mon secret soit gardé encore quelque temps. Il restera entre nous. Enfin, je veux dire, la princesse, la duchesse Cydalise, moi-même, et le nabab qui est heureusement intervenu pour vous reconnaître. Sans lui, vous auriez été pendu. J'en frémis d'horreur. C'est un homme très généreux. Qui sait qu'une gouvernante royale n'est pas assez payée pour les services qu'elle rend? Mal payée? Oh, j'en suis scandalisée. Il est vrai que vous êtes impayable. Vous avez grand cœur. Je le lis dans vos yeux, qui sont si beaux. Oh. Je puis compter sur votre gratitude, mon cher prince. N'est-ce pas moi qui ai deviné la première que vous étiez le fils de ce prince de Tapiristan, dont nous venions d'apprendre la fin tragique? Oh, baronne, vous savez tout. N'est-ce pas? Et sans moi, vous n'auriez pu revêtir ce déguisement de page qui sans doute sert vos projets. Oh, j'ai saisi avec plaisir l'occasion de lui renvoyer ce petit marquis. Il me les plaisait. Il était mou. Tandis que vous êtes vigoureux. Mais j'ai de bons muscles. C'est ma seule richesse pour l'instant. Vous permettez, prince? Ah, en effet, c'est admirable. Mais vous avez aussi un cœur. Hélas, j'en ai un. Je suis ici obligée d'en comprimer les battements, mais... avec vous, je me sens en confiance. Ah, prince, vous me marquerez votre reconnaissance par un peu d'affection. Permettez que je vous embrasse chastement. Elle se serre contre lui. Je ne saurais... Quoi? Je ne saurais m'y refuser. La demoiselle entre. Baronne, la princesse vous attend dans sa chambre. La gouvernante sort majestueuse. Oh, il n'y a pas de quoi rire. Je pourrais vous aider, prince, à choisir un peu mieux vos petits plaisirs. Je ne veux que de grands plaisirs. Vous avez de jolies jambes? Des jambes de duchesse? Pauvre duchesse décavée. Je trouverais plus vite un mari si j'avais une dot et des jambes comme des bûches. Je ne suis pas de cet avis. Ça m'est égal que vous soyez pauvre. Dites-moi, le reste est aussi joli? Peut-être. Vous me le ferez voir? Insolent. Mais vous me plaisez. Depuis 2 jours que vous êtes ici, je respire. Quand vous respirez fort, c'est agréable. Tout était affreusement immobile. Maintenant, il me semble que tout bouge. Prince Pierre, vous êtes une pierre dans la mare aux grenouilles. Les portraits d'ancêtres vont se mettre à danser. Si on leur donnait l'exemple, comme ça, tenez. Tra-la-la-la, la-la-la-la-la. Oh, finissez. Dans le boudoir de la princesse. Le boudoir? On m'avait dit que les boudoirs sont des petites pièces capitonnées, ornées de fleurs et de glace, remplies de parfums exquis, meublées de divans profonds. Oh, duchesse, où y a-t-il un divan? On y serait bien tous les deux. Êtes-vous vraiment un prince? Vous êtes trop mal élevé. C'est justement la preuve que je suis un prince. Je peux me permettre ça et tout. Mais vous n'êtes pas un prince. Je suis un prince sans principauté. Le monde en est plein. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? D'ailleurs, mes états sont minuscules. Si j'y étais, j'y serais à l'étroit. On m'en a chassé. Le monde m'appartient. À commencer par vous. Vous avez commencé par la gouvernante. C'était un apéritif. Non, une purge. Alors j'ai un appétit formidable. Ah, vous êtes... Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas élégant. Et on ne peut pas vous résister. Elle se laisse aller dans ses bras. La princesse entre. Elle pousse un cri. La demoiselle s'enfuit. Oh, je suis offensée. Très offensée. Je crois que c'est un crime de lèse-majesté. Elle s'assied sur son trône, puis regarde longuement Pierre, qui soutient son regard avec un sourire. Je veux en être sûre. Page, appelle la gouvernante. Si votre Altesse me tutoie, c'est qu'elle n'est pas fâchée. C'est un signe de mon profond mépris. Tu es un être vil. Oh, j'ai laissé votre Altesse s'asseoir sans le coussin. Là est le crime de lèse-majesté. Il ramasse le coussin et s'approche. La princesse se lève comme involontairement. Pierre arrange le coussin en la frôlant de façon assez appuyée. Page! Page, que faites-vous? Sans doute exprimez-vous votre repentir. Mais appelez néanmoins la gouvernante. Pierre sort. La princesse se rassied. Je dois juger cette affaire avec une royale sévérité. Elle prend sa pose la plus majestueuse. Pierre rentre avec la gouvernante. Baronne! En entrant dans ce boudoir, j'ai vu ce page ici d'Alise. Ah, comment dire ce que j'ai vu? Oh! Oh! Oh! Y a-t-il lèse-majesté? C'est pire, Altesse, c'est pire! Le misérable! Si votre Altesse daigne rappeler la duchesse, elle dira pourquoi, quand elle est entrée, j'étais un peu excitée. C'est la duchesse qui est coupable. Avec cet innocent jeune homme, c'est la femme qui a commencé. Non, avec la duchesse, c'est moi qui ai commencé, mais avec... Réflexion faite, j'oserais conseiller à votre Altesse de n'avoir rien vu. Vous changez vite d'opinion. Je crois devoir m'en faire une à moi seule. Laissez-moi. Seule avec le page? J'oserais dire à votre Altesse sérénissime que c'est contraire à toutes les règles, que nos traditions séculaires s'y opposent et que... Baronne, foutez... Non. Faites-moi le plaisir de vous en aller. Et dites à l'huissier que je ne reçois personne. La gouvernante sort. Page, agenouille-toi. Oh, j'en mourrais d'envie. Non, non. Pas si près. Quand je te considère du haut de mon trône, tu es une bien petite chose. Hélas. Je suis la fille d'un grand roi. Tu n'es que le fils d'un principicule. Un tout petit principicule. Un principiculo. J'ai l'impression que tu m'as insulté. Je ne saurais dire de quelle façon, mais je le sens. Je dois donc te faire mourir. Votre Altesse a-t-elle déjà fait mourir personne? Non, parce que jusqu'à ce jour, personne n'a osé m'insulter. Alors, j'oserais dire à votre Altesse que la première fois qu'on tue quelqu'un, c'est extrêmement pénible. En tout cas, qu'elle ne commence pas par moi. Et pourquoi, s'il te plaît? Mais j'ai la vie très dure. Après ma mort, je reviendrai certainement dans ses rêves. Non, je suis sûr que votre Altesse est sujette au cauchemar. Comment le sais-tu? C'est incroyable. C'est inévitable dans un décor comme celui-ci. La pièce n'est pas à ton goût? Elle est au mien. Votre Altesse sérénissime a le goût triste. Tu oses? J'oserais encore plus, puisque je dois mourir. J'ai dû à l'instant entrouvrir la porte de la chambre de son Altesse. Quand je pense que le peuple croit la princesse Marfise la plus heureuse de toutes les femmes, il ne sait pas qu'elle couche tous les soirs dans un tombeau. Altesse, je veux bien aller au supplice tout à l'heure, mais si j'ai des fourmis dans les jambes, je tituberai et on croira que j'ai peur. Relève-toi. Tu es très désagréable. Maintenant, cette pièce me paraît laide. Nous irons ensemble au jardin. Tu l'aimes pour que tu y aies pénétré au risque de ta vie. Un jardin clos de murs? Le plus beau est une prison. C'est pas le jardin que je voulais voir, c'est la plus belle des princesses. Ah, je t'ai ordonné de rester debout. Alors pourquoi as-tu fait ce que tu as fait avec Cydalise? Pourquoi votre Altesse n'use-t-elle pas du verbe embrasser? Il est simple et joli. Pourquoi j'ai embrassé Cydalise? Parce que c'est encore plus joli à faire qu'à dire. Et si ça... Ne l'appelle pas Cydalise. Moi seule en ai le droit. Tu as violé une prérogative royale. Oh, je roule dans une cascade de lèse-majesté. Ainsi, tu embrasses toutes les femmes que tu trouves belles. Si je peux, et même celles que je trouve seulement gentilles. Je ne puis pas laisser vivre dans ce palais un être aussi dangereux que toi. Que votre Altesse se persuade que beaucoup d'autres que la Duchesse et moi dans ce palais savent profiter d'une porte fermée. Je ne te crois pas. Que votre Altesse ouvre doucement chaque porte. Ah, j'ai le vertige. Elle se laisse tomber sur le trône comme défaillante. Pierre lui prend la main, la caresse. Que votre Altesse n'y résiste pas. Qu'elle ferme ses royales paupières. Qu'elle écoute cet oiseau qui chante sous sa fenêtre. Il s'est trompé d'heure. Oui, mais c'est pas encore qu'à partir de 10h du matin, nul de ses pareils ne doit se trouver dans les jardins. Mais avant, Altesse, quel concert que vous n'entendez pas! Les insectes sont sous la terre, ou ont fui de l'autre côté des murs, mais ils reviendront la nuit, s'ébattre à leur aise quand vous ne serez plus là. De même à votre approche, les gens s'éloignent ou se raidissent et se font comme des automates, mais ils redeviennent des hommes et des femmes dès que vous avez le dos tourné. Oh, princesse Marfise, belle entre toutes les femmes, j'ai grand pitié de vous. Vous pourriez être la souveraine des cœurs. On a fait de vous un épouvantail. Eh bien, je crois qu'en fait de lèse-majesté, je peux pas mieux. Il lui baise la main, lui caresse le bras, l'épaule. Faites-moi mourir, Altesse. Oh, faites-moi mourir. Quand tu es venue, tu avais une rose à la bouche. Tu me l'as offerte, je l'ai refusée. Qu'en as-tu fait? Elle est dans un sachet sur mon cœur, toute fanée. Mais le parfum est sur mes lèvres. Je voudrais respirer une rose. Moi aussi. La princesse a les yeux fermés. Pierre se soulève lentement vers sa bouche. Pierre bondit en arrière. La princesse se redresse. L'huissier entre. Il est colossal et chamarré de la tête aux pieds. J'avais défendu! Sa Majesté, le roi! Le roi! Oh, ça me fait tout de même de l'effet. Le roi entre. Il est claudiquant, une épaule plus haute que l'autre. Il est suivi de la gouvernante, de la demoiselle et du médecin en costume traditionnel, robe noire et couvre-chef saugrenu. La princesse se lève et baise la main du roi qui s'assied sur le trône pendant que l'huissier avance un siège à la princesse. Ma fille, qu'apprends-je? Un nouveau page que le médecin n'a pas visité? Il fait un geste. Le médecin examine Pierre au fond de la pièce. Et puis, qu'est-ce que cette histoire? Je ne comprends rien. La gouvernante dit qu'il a embrassé la duchesse. Et la duchesse dit qu'il a embrassé la gouvernante. La gouvernante. Il n'est pas dégoûté. C'est un petit gaga galopin. Il doit être puni. Un coup de verge pour avoir embrassé la duchesse et 20 pour avoir embrassé la gouvernante. J'ai dit. Je vois avec plaisir que votre majesté mesure le nombre des coups à la différence des vertus. Sire, n'ai-je pas le droit de grâce? Permettez-moi d'en user. J'ai des raisons de croire qu'il ne recommencera plus. Sire, le sujet est en parfait état. La gorge est saine, la langue est bonne, les poumons intacts, le ventre souple, les réflexes rapides et sûrs, les perceptions délicates. La musculature est remarquable. Alors, il peut t'embrasser tant qu'il voudra. Mais que dis-je, il y a la décence. Il doit épouser l'une des deux. J'ai dit, ma Clémence est grande, car je lui donne le choix. Le sujet, bien que de petite taille, est apte à faire souche d'une nombreuse famille. Il me faut une ribambelle de petits pages. Eh bien, qui choisis-tu? Oh, sire, plutôt que de faire injure à l'une en choisissant l'autre, j'aimerais mieux n'en choisir aucune. Ah, tu veux les tirer à la courte paille. Sire, pour moi l'injure est qu'il ait hésité. Je le cède à qui en voudra. Sire, cette petite fille n'a pas compris que la réponse de ce jeune homme était d'une délicatesse exquise. Et puisque l'ordre de sa majesté est formel, je l'épouse. Elle s'avance vers Pierre. Il fait un bond en arrière. Mademoiselle rit. La princesse donne des signes d'une vive agitation. Sire, votre majesté désire-t-elle que je m'assure si madame est apte à la reproduction? Insolent, sire! Je ne veux pas qu'il l'épouse! Je ne veux pas qu'il épouse personne! Papa, je ne veux pas! Tu ne veux pas! Elle ne veut pas! N'en parlons plus! Le page de votre Altesse doit être tout entier à son service. Tout entier? Tout entier? Il a raison! Allez, tout entier. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Riront, robot d'argent, donnez-moi votre fille. Ici, l'on revoit Séverin et Mathieu, vêtus de livrées criardes sur lesquelles sont passés des tabliers. Ils sont en train de balayer la salle du conseil du roi. Or, une grande table, sur laquelle il n'y a rien, entourée de fauteuils solennels, la salle est parfaitement nue, sauf d'un côté où sont deux portes à double battant. Elle est formée d'une verrière circulaire. Le jour entre à plein flot. Il semble que rien de ténébreux, ni même de secret, ne puisse se passer dans un tel endroit. Mais on voit de l'autre côté de la verrière de gros canons braqués sur la ville. Tu t'y fais, toi? Pas moi. Moi, très bien. J'avais besoin de repos. Il s'assied dans le fauteuil à dais. Le plumeau, c'est moins lourd qu'un fusil. J'aime pas ce boulot, j'aurais pu nous mettre jardinier. J'asserme la terre dans les tranchées, parle-moi d'un parquet ciré. On s'y sent quelqu'un. Ah, ils sont mal cirés, la poussière s'y accroche. Et s'en est plein dans les coins, n'y touche pas, c'est des secrets d'État. Regarde-moi ces carreaux. La salle du conseil des ministres, c'est guère plus propre qu'une étable. Un palais du dehors, ça vous épate, mais quand on est dedans... Et le roi, tu l'as vu se déjeter? Pareil que se nourrir de la sueur du peuple, ça ne profite pas. Il mange encore plus mal que nous, le meilleur des plats reste à la cuisine, mais ça n'a pas de goût. Nous vous ferions des briques si Pierre ne nous avait pas repêchés quand la patronne de l'auberge nous a fichus dehors. Pourquoi tu lui avais manqué de respect? On y était mieux qu'ici. Il a fallu attendre une heure que monsieur ait fini de... causer avec la patronne. Paraît que c'est une payse. Ils ont découvert ça. Et autre chose, il veut tout pour lui. Madame, le secrétaire du roi. La porte s'ouvre. Il se lève en hâte. Pierre entre. Il n'est plus habillé en rose, mais d'un vêtement sombre, correct. Il a une grosse serviette de cuir sous le bras. Bonjour les amis, ça va? Bof, on se bile pas. Ayez au moins l'air de travailler. On a fini. Il y a de la poussière dans le coin. Ah, lui, il est pas myope. Il reprend le balai. Il est trop tard, c'est l'heure du conseil privé. Enlevez vos tabliers. Pierre ouvre la serviette, étale des papiers. Mathieu, enlevant son tablier. C'est pas quand je suis le plus ridicule. Avec ou sans? Ils rangent tous deux le balai, le plumeau et les tabliers dans le placard. Qu'est-ce que tu dis? C'est le tablier qui fait le larbin. Ça, c'est un uniforme. Un uniforme de larbin. Un uniforme, c'est toujours un uniforme. Ils se rangent de chaque côté de la grande porte. J'ai entendu le mot larbin. Mettez-vous bien dans la tête que tous ici, sauf le roi et la princesse, nous sommes des larbins. Je suis un larbin. Tu veux être ministre? Les ministres sont des larbins. Alors qu'est-ce que tu veux? La couronne royale? Ah, tu dégoterais mieux que le vieux rigolo. La porte s'ouvre. Il rectifie la position. Le ministre de la guerre et le ministre des finances apparaissent ensemble, somptueusement vêtus, couverts de décorations. Le ministre de la guerre a l'air d'un chef de brigand d'opéra. Le ministre des finances, d'un notaire de province en déguisement de carnaval. Ils s'arrêtent sur le seuil, dont la porte est ouverte à un seul battant. Sur leurs costumes sont brodés respectivement les mots guerre, finance. Passez, je vous prie, Excellence. Oh, après vous, Excellence. Je n'en ferai rien, Excellence. Je ne me le pardonnerai pas, Excellence. Mathieu ouvre le deuxième battant. Les deux ministres reculent. Tu ne sais pas, Marot, que les deux battants ne s'ouvrent que devant le roi. Cher monsieur le secrétaire. Oh, restez assis, nous vous en prions. Mais, Excellence. Pas de cérémonie entre nous. Il s'assoit. Le ministre de l'Intérieur entre. Il est tout en noir. Il est mince, pâle, le pas feutré, la personnification de la ruse. D'un geste, il renvoie Séverin et Mathieu qui disparaissent en hâte. Il serre avec empressement la main de Pierre, puis s'assied. Le fauteuil royal est vide. Excellence, Sa Majesté vous prie de commencer la séance sans l'attendre. Sa Majesté est dans sa collection de papillons. Vous savez qu'elle n'aime pas y être dérangée. Je vous rapporte les décrets soumis par vous à sa signature ces jours derniers. Oh, nous vous sommes reconnaissants de cette diligence. Jusqu'à présent, nous attendions des semaines. Oh, quand ce n'était pas des mois. Pierre distribue à chacun quelques feuilles. Sa Majesté a enfin un secrétaire à la hauteur de ses fonctions. Oh, supérieur à ses fonctions. Vous me voyez confus, le temps des loges. Il me manque la signature royale sur plusieurs décrets. À moi aussi. À moi aussi. Sa Majesté n'a pas cru devoir les revêtir de son auguste paraphe. Vous voudrez bien remarquer, Excellence, que les mesures les plus importantes sont approuvées. Par exemple, monsieur le ministre de la Guerre, le décret licenciant l'armée après ses éclatantes victoires et la conclusion de la paix. Mais non pas la série de petits décrets maintenant sous les armes plusieurs classes dans certains départements. Ah. Le nombre en était tel qu'il a paru à notre souverain que l'armée était en fait reconstituée. Dans ces conditions, monsieur le ministre des Finances, le souverain a hésité à signer celui-ci qui ouvre des crédits non précisés pour l'entretien des troupes. Oui, il a craint que ces crédits ne fussent en fait illimités. De même, Sa Majesté a approuvé le décret accordant à une seule banque le privilège d'émission des billets. Que cette banque retire de cette mesure de grands avantages est inévitable. Aussi bien, Sa Majesté n'a pas signé le décret nommant monsieur votre frère président du conseil d'administration. La malignité publique aurait pu faire un rapprochement que vous n'auriez certainement pas fait. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sa Majesté vous félicite vivement de lui avoir proposé la loi accordant à ses sujets des garanties nouvelles contre les arrestations et emprisonnements arbitraires, mais elle a pensé que les faits en seraient nuls si elle signait le décret vous autorisant à procéder en dehors de l'action judiciaire à des internements administratifs. D'autre part... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le secrétaire. Et nous nous inclinons devant les avis de Sa Majesté. Nous nous inclinerons encore si elle en change. Nous voulons, avant l'arrivée de Sa Majesté, vous soumettre un projet nouveau. Dont nous le persuadons, si nous sommes d'accord avec vous. Comme nous n'en doutons pas, ce n'est plus au secrétaire royal que nous nous adressons, mais au prince de Tapiristan. Oh, mais Excellence... Prince, inutile de nier. Mes renseignements ne me trompent jamais. Vous avez craint, en vous révélant, de susciter des complications internationales. Et j'ai craint, en effet, de graves complications. Ce scrupule vous honore, mais... Nous sommes heureux de vous en délivrer. Nous considérons que vous rendre vos états est pour notre pays un devoir. Messieurs, je suis éperdu de reconnaissance, mais le Tapiristan est très loin d'ici. 900 lieues de notre frontière. Je le croyais encore plus loin. Si je ne me trompe, il faut traverser la mer. Et qui le sait mieux que vous? Et les états de l'émir d'Afghanistan et peut-être leur faire la guerre. Non, je renonce au trône de Tapiristan, j'y renonce, messieurs, j'y renonce. Prince, vous êtes jeune. On ne renonce pas à un trône sans de bonnes raisons. Croyez que les miennes sont très bonnes. Il se peut. Nous en avons de meilleures encore pour que vous n'y renonciez pas. Cette guerre est nécessaire à notre pays. Mais vous sortez d'une guerre longue et sanglante. Oh, justement, le pays est bien entraîné. Le décret de démobilisation est signé. Il n'est pas encore publié. Et l'armée est encore là. Oui, une partie est déjà en haute mer. Sans ordre du roi? Une petite croisière pour des exercices de tir. Un petit incident est vite arrivé. Et le roi a l'honneur chatouilleux. Alors, il signera la nomination de mon frère, car il aura besoin à la tête de la banque d'un homme qui imprime les billets sans les compter. Et il comprendra qu'il est utile de pouvoir interner sans jugement les récalcitrants. Et un charmant prince sera remis sur son petit trône. Et s'il y a quelques têtes cassées parmi ses fidèles sujets... Il pourra dire qu'il ne l'a pas voulu. Et comme il n'ignore pas que le Tapiristan est le pays le plus riche du monde en or et en pierres précieuses... Et qu'il a le cœur sensible à la reconnaissance et aussi à ses intérêts. Il signera préalablement un bon petit traité de commerce qui est déjà préparé. Messieurs, Sa Majesté le Roi. Le Roi entre. Il se dirige vers son trône le plus majestueusement qu'il peut. Tous s'assoient. Vous avez bien travaillé. Nous n'avons laissé que peu de choses à faire, Votre Majesté. Tant mieux. Quelques petits décrets à signer. Que ce jeune secrétaire avait oublié de soumettre à Votre Majesté. Avait-il vraiment oublié? Si cette omission était volontaire, elle serait singulière. Inexplicable. Impardonnable. Il signe les papiers. Les ministres s'en emparent. L'ordre du jour est épuisé. Les ministres saluent respectueusement et sortent. Et moi aussi, je suis épuisé. Mais qu'a fait Votre Majesté? Mon enfant, il m'a fait peur pour toi. Pas ce matamor, ni ce comptable, mais ce policier. Un petit accident est vite arrivé. Ils m'ont dit quelque chose de semblable. Tu vois. Je te veux du bien, je t'ai jugé très courageux depuis que tu as embrassé la gouvernante. Oui, mais ne t'expose pas inutilement. Majesté, on prépare un crime. Un crime? Ça ne serait pas le premier. Et si je laisse ces messieurs les commettre, je ne les commets pas moi-même. N'a-t-on pas raconté à Votre Majesté que j'étais le prince de Tapiristan? Oui, je n'ai pas un déshonneur. Je ne sais pas très bien où c'est. Majesté, moi non plus, et j'ajoute que... Mais n'ajoute rien. Ne me parle pas d'affaires sérieuses. Si je t'ai retiré de chez ma fille, c'est parce qu'elle devient amoureuse de tous ces pages. Je voulais t'éviter cet ennui. Ce n'était pas pour que tu me fasses travailler. Je vais retrouver mes papillons. Ils sont pas méchants puisqu'ils sont morts. Sans quoi? Même les papillons. Ah non, tu n'es pas méchant, mais tu le deviendras. Ça, c'est triste. Il sort. Pierre retourne à la table et s'arrête devant la place de chacun des ministres. Excellence, bandit, voleur, canaille. Quand pourrais-je vous le dire en face? Il s'assied. La princesse entre doucement sur la pointe des pieds. Il va derrière Pierre et l'embrasse dans le cou. Oh! Pierre bondit, puis il regarde longuement la princesse. Tu es surpris? Non. Il convenait à ma dignité de te donner le premier baiser, mais tu dois donner le deuxième. Elle s'assied sur le trône. Pierre s'approche et l'embrasse longuement. Oh. Ah, je dois apprendre à le faire aussi bien que toi. Ma royale éducation a été négligée. Recommence. Pierre l'embrasse de nouveau en la bousculant vivement. Oh! Oh! Convient-il de secouer une princesse royale? Je ne pensais pas qu'il fût agréable d'être secouée. Mais c'est agréable. Je reste secouée même quand il ne me touche plus. Très secouée. Ah, je pense qu'il est convenable que je te secoue à mon tour. Assieds-toi. Non! Pas dans le fauteuil du roi! Elle pousse Pierre dans un autre fauteuil, se jette sur ses genoux et l'embrasse vigoureusement. Oh, votre Altesse m'étouffe un peu. Est-ce qu'il ne faut pas étouffer? Si, si. Oh, Marfise, étouffe-moi royalement. Ne me tutoie pas. Si. Tutoie-moi. C'est comme un chatouillement. C'est irritant et j'aime. Tu m'as appris qu'il est délicieux d'être offensé. Oh, Pierre, est-ce que tu m'as tout appris? Pas la centième partie. Apprends-moi tout. Ah, impossible dans ce fauteuil. Viens dans ma chambre. Mais la duchesse et la gouvernante... Non, je veux. Je meurs si tu ne m'apprends pas tout. Princesse, seul un époux peut entrer dans la chambre de votre Altesse Sérénissime. Viens chez papa. Pendant qu'ils sortent enlacés, Séverin et Mathieu entrent. Eh ben, mon vieux... Séverin et Mathieu sortent du placard le balai et le plumeau, mettent leur tablier et recommencent à nettoyer la pièce. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche, chérie. Et rends, rends pas ta plan, tu n'es pas assez riche. Hélas, le décor du tableau que voici représente un cachot, pareil au cachot de tous les temps. On aperçoit dans la pénombre un grabat, un escabeau, une cruche, une porte épaisse percée d'un Judas. Sur le grabat, Pierre est étendu en costume de forçat. Il dort d'un sommeil agité. La porte s'ouvre. Séverin et Mathieu entrent. Mathieu porte une gamelle. Séverin, un objet volumineux. Il dort. Il a le cauchemar, le pauvre. Vaut mieux le réveiller. Ah, c'est vous. Ah, je suis content de vous voir. On t'a apporté la moitié de notre déjeuner. Et aussi ton tambour. Oh, mon tambour. On l'a trouvé le premier jour en tournant autour du palais. On te l'avait pas dit. On a pensé qu'il ne t'intéressait plus. Oh, mon tambour. Il y a dedans une lime et une corde. Je ne crois pas que je m'en serve. Je suis bien ici. Ça alors. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as trop ploté la princesse. C'est ton défaut, ça, Pierre, les femmes chics. Mais t'aurais dû épouser la patronne de l'auberge, puisqu'elle te voulait. La princesse voulait m'épouser. Mazette. Et tu as raté ça? Oh, c'était déjà un peu embrassé. On ne se refuse rien. Quand j'ai dit que j'étais ni prince ni rien du tout, elle a poussé un grand cri, elle est tombée dans les pommes. Le roi a appelé le médecin, je me suis éclipsé, et un quart d'heure après, j'étais ici. Bah pourquoi tu l'as dit? Tu aurais dû le dire une fois le coup fait. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ils ne vont pas te faire ton affaire, au moins. Ouais. On ne sait jamais. T'es dans le sale drap. Ah, Pierre, reste pas ici. Quand j'ai appelé comme ça sous sa fenêtre, ma fortune a fait un bond. À te casser le nez. Elle en fera peut-être un nouveau. Quand je vous disais, elle est là. Qui, elle? La princesse? Peut-être. Oh. Le ministre de l'Intérieur entre. Il renvoie Séverin et Mathieu d'un geste. Eh bien, jeune homme, avez-vous réfléchi? On ne m'a pas demandé de réfléchir. Tous les mêmes. On les met dans le meilleur endroit pour devenir intelligent. Essayez à ma place, ça vous réussira peut-être. Pas d'insolence. Trouvez-moi un autre amusement. Je vous ai offert un trône. Vous savez bien... Que je savais dès le premier jour que le fils du prince de Tapiristan a été assassiné comme son père. Mais personne ne le sait. Allons, allons, il est encore temps de tout arranger. Confessez que vous êtes un petit vaniteux. Vous avez nié que vous êtes le prince de Tapiristan parce que vous vouliez que la princesse vous aimât pour vos beaux yeux. C'est délicieusement romanesque. Ouais, elle en sera éperdue d'admiration. Allons, jeune homme, on ne refuse pas d'être roi. Ça arrive. Et puis il y en a déjà un. Mais pensez à la magnifique affaire que nous pouvons faire à nous deux. Mes collègues roulent des yeux exorbités vers les pierres précieuses de vos petits états. Les sots. Un grand royaume est à prendre. Celui-ci. N'êtes-vous pas ministre de l'Intérieur? Quand on est ministre de la police, on est plus qu'un roi. Je veux être le premier ministre avec un roi de mon choix. Quand vous serez gendre et héritier, il sera facile d'enfermer la vieille majesté dans sa collection de papillons. Puis au surplus, il est diabétique. Eh oh, j'ai compris. Comme vous avez bien fait de venir me tenir compagnie avec vous, Excellence, je me sens vraiment devenir intelligent. Ne me laissez jamais seul. Quand je serai roi, je ne ferai pas un pas sans vous. Oh, prince, je ne vous en demanderai pas tant. Si j'étais ingrat, vous pourriez publier que je suis un imposteur. Nous n'en viendrons jamais là. Non, car auparavant, vous pourriez tomber malade. D'une maladie beaucoup plus foudroyante que le diabète. Votre Altesse aime la plaisanterie. Je plaisante, en effet. J'ai un fond d'enfantillage. Par exemple, je suis en train de penser... Si la princesse m'aime, elle viendra tirer de prison le paysan qu'elle croit que je suis. Si elle ne m'aime pas, je ne dois pas l'épouser. C'est un raisonnement d'enfant, n'est-ce pas? Assurément. Il pourrait vous mener au trône ou à la prison perpétuelle. Eh bien, je m'y tiens. C'est malheureux pour vous et peut-être pour moi, mais je ne peux pas faire autrement. C'est votre dernier mot ? Puisque pour vous, je suis un prince, il m'appartient de vous dire que l'audience est terminée. Pierre s'est étendu sur son grabat. Il se retourne contre le mur. Le ministre sort. Pierre contemple fixement la porte. Le jour baisse. Pierre ! Pierre ! Princesse ! Pauvre Pierre ! Je ne suis pas la princesse. Je ne suis que Cydalise. Ah, excusez-moi, duchesse. Je ne suis pas en tenue. Je ne peux pas entrer, on ne m'a pas donné les clés. C'est très bien ce que tu as fait, Pierre. Vous me tutoyez parce que je ne suis qu'un paysan ? Non. Parce que tu me plais ? Vous me le dites parce que vous ne pouvez pas entrer. Approche-toi de la grille. Si vous pouviez entrer, vous m'embrasseriez. Tu embrasserais bien. J'ai entendu dire que lorsqu'une femme consent à épouser un condamné, on le libère. Est-ce que vous feriez ça pour moi ? Oh, Pierre. N'es-tu pas trop fier pour être épousé par pitié ? Vous avez raison. D'ailleurs, c'est la princesse que j'aime. Non. Qu'est-ce que vous dites ? Tu aimes sa couronne de diamants. Je vais te dire un secret, Pierre. Les diamants sont faux. Archifaux. Et le cœur de la princesse est en simili. Dommage, Pierre. Je t'aimais. Non, répétez. Il me semble que j'entends une musique. Ah, je t'aimais, Pierre. Aïe. Excusez-moi, les fausses notes me font crier. La nuit est tombée. Pierre se promène un moment, pensif, dans le cachot obscur. Distraitement, il prend son tambour. Le nabab apparaît suivi d'un petit personnage entièrement encapuchonné. Mets ce manteau et suis-moi. Le nabab enlève le manteau du petit personnage. C'est un nègre. Pierre s'encapuchonne. Le nabab et lui sortent. La porte se referme. Le nègre s'étend sur le grabat. Après un instant, la porte s'ouvre. La gouvernante entre, une lanterne à la main. Elle s'approche, doucement, puis se jette passionnément sur le corps étendu. Le nègre se retourne. La gouvernante s'enfuit en hurlant. La mer jolie, j'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie, et vont rapatriant dessus la mer jolie. Ce lieu sera pour Pierre celui de la plus grande tentation, parce que l'horizon en est illimité. Pierre est au bord de la mer, en haut d'une falaise. Là, plus de maisons, plus de traces des hommes. Des arbres se balancent doucement au vent du large. Il est libre. Il va repartir pour une plus belle aventure. Trois navires sont là, qui semblent n'attendre que lui pour s'élancer vers le bout du monde. Le tentateur est aux côtés de Pierre et lui parle. Si tu les veux, ces bateaux sont à toi. Et qu'en ferai-je ? Je te le dirai. L'un contient 1000 fois plus d'or qu'il n'y en a dans le trésor du roi, l'autre est rempli de pierreries qui valent beaucoup plus. Et dans le troisième ? Ah, le troisième est vide. Tu y mettras plus tard ce que tu voudras, ce que tu auras acquis grâce aux deux autres, ce qui te semblera plus rare que l'or et les pierreries, car tu es insatiable et c'est pourquoi tu me plais. Pourquoi me les donnez-vous ? J'en ai d'autres. Et que faites-vous de tant de richesses ? Qu'en ferai-je ? Je suis vieux. Et je n'ai pas ce que tu possèdes, la force joyeuse qui fait jouir de la richesse. Il faut l'une et l'autre pour la vie la plus belle. Quelle est la vie la plus belle ? Pour avoir été en prison 24 heures, je n'ai soif que de liberté. Seule la richesse donne la liberté. Cet endroit est beau. Il est fait doux. Avec du pain et des fruits, j'y passerai volontiers toute ma vie. Ah, je m'y amuserai longtemps. Et il y a des fourmis. Il n'y en avait pas dans les jardins du roi. Ta gaieté est un de tes dons merveilleux, Pierre. Pierre ! Tu peux faire le monde moins triste. Mais il ne me paraît pas triste. C'est pourquoi tu lui es précieux. Je voudrais être aveugle pour ne le voir que par tes yeux. Brrr, vous êtes sombre. Que puis-je pour vous égayer? Appelle dès maintenant tes désirs, appelle-les tous. Tu n'as pas seulement celui de jouir de cette lumière, de ces couleurs et des parfums qui montent de ces herbes sauvages. Non, non, je désire aussi partir sur un de ces vaisseaux et naviguer, naviguer. Ah, c'est un beau désir. Ton cœur s'élargirait à chaque horizon nouveau, mais tu glisserais ainsi à la surface du monde et la trace de toi-même s'y effacerait aussi vite que le sillage de ton navire. Tu te lasserais d'être toi-même pour toi seul. Ne souhaites-tu pas aussi d'être admiré des hommes? C'est vrai, j'en serais très fier. Oui, c'est ce que je désire plus encore. Mais comment y parvenir? Les hommes vous admirent-ils parce que vous êtes riche? Non, ils m'envient. Votre science est profonde, et pour cela on vous respecte, et même on vous craint. Vous m'avez donné l'argent, donnez-moi encore la science. C'est encore un beau désir. Eh bien, c'est ce que je veux d'abord. Pour être savant, il faut toute une vie. Et à la fin, tu trouveras que tu sais peu de choses. Pierre, si tu as le pouvoir, chaque pensée de toi, chaque volonté de toi seront centuplées par celles des hommes qui t'obéiront. Le pouvoir, Pierre, ce qui rend l'homme semblable à Dieu. J'ai passé toute ma vie à amasser ce qui devait me le donner. Tu seras puissant à ma place. Retourne au palais du roi, à la fois ambitieux et pur, rencontre inouïe, tu changeras la face de la terre, si tu le veux, mais seulement à cette condition. Ces vaisseaux sont à toi. Nabab, j'étais gai, vous me rendez triste. Nabab, si vous me voulez vraiment du bien, donnez-moi seulement un tout petit peu de votre or, mais sans condition. Enfant, je t'aime. Mais donne-t-on jamais de l'argent sans contrepartie? Même les aumônes sont faites dans l'espoir de gagner le ciel. Tu es mon ambition suprême. Réfléchis jusqu'à ce soir. Il s'éloigne, mais s'arrête avant de sortir. Entre le gamin et la gamine, plus déguenillés encore qu'au début de notre histoire. Charité, ils vont vers Pierre. La charité, monsieur. La charité, s'il vous plaît. N'avez-vous donc pas à manger maintenant que la guerre est finie? On n'a plus faim encore qu'avant. Il y a tant de bonnes choses dans les boutiques. Mais on peut pas acheter. Papa est revenu de la guerre, mais il est sans travail, monsieur, je vous en supplie. Les parents ont dit qu'ils nous vendraient si nous ne rapportions pas d'argent. Hélas, mes enfants, je n'ai rien. Je suis aussi pauvre que vous. Tu oublies que des millions sont à toi. Le nabab tend une bourse à Pierre que Pierre donne aux enfants. Oh, oh merci. Merci, viens, ça va, viens. Les enfants s'enfuient. Pierre, si tu distribuais aujourd'hui les richesses de ces navires, tu ne détruirais pas le mal. Seul y remédierait celui qui aurait pouvoir sur les armes. Tu auras assez d'or pour toutes les armes. Je viens avec vous! Chargé d'or, l'autre de pierreries. L'un chargé d'or, l'autre de pierreries. Et rit et rend, rend bat à plan, l'autre de pierreries. Pierre est-il tombé dans le piège de la richesse? On le croirait quand le rideau se relève sur un petit salon tout en or massif. Non seulement les tables et les sièges sont en or, mais le sol et le plafond. Nous sommes sur le navire chargé d'or, qui n'a pas dû quitter la rade, puisque nous voyons entrer le ministre des Finances et le ministre de la Guerre. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je suis hors de moi. Quand je pense que le trésor de l'État est vide... Vous avez vu les caisses de pièces d'or dans cette cale? Chacune contient 1 million. C'est écrit dessus. Je les ai comptées. 20 rangées chacune de 50 caisses. 20 fois 50... 1 000 fois 1 million. Et il y a plusieurs cales. Et la chambre aux lingots? Incalculable. Oh, je me sens le besoin d'un réconfort. Il remplit 2 verres. Ce n'est pas de l'or fondu. C'est le meilleur vin que j'ai jamais bu. Il peut se le payer. Les verres sont en or, bien entendu. Et les flacons et le plateau. Le ministre de la Guerre ouvre son canif et en gratte le dossier de la chaise. Oh, elle n'est pas dorée. Elle est en or. C'est presque un sacrilège. Nous pouvons sans scrupule emporter de cette visite un petit souvenir. Il met un verre dans sa poche. Non, vous croyez? Le ministre des Finances en fait autant. Le roi, le ministre de l'Intérieur et le nabab entrent. Sire, J'espère que votre majesté ne regrette pas d'avoir accepté mon invitation. Je me sens pauvre, c'est amusant. Que votre majesté daigne se reposer ici un instant. Je vois que son Altesse la princesse royale s'attarde à la visite du vaisseau de pierrerie. Oh, elle aime beaucoup les bijoux. Chacun son goût. C'est moins beau que les papillon. Permettez que j'aille la chercher. Mon ami, l'heureux propriétaire de ces navires, est sans doute avec elle. Je le présenterai à votre majesté. Le nabab sort. Le roi s'assied. Votre majesté a-t-elle remarqué que cette chaise est en or massif? Mon trône n'est qu'en bois doré. C'est une insolence! Comment? Il a raison. Un simple particulier ne doit pas être plus riche que le roi. Ou il ne doit pas le montrer. Il s'exhale de cet orgueilleux étalage une odeur de sédition. De sédition? Mais il a raison. Ses richesses suffiraient à acheter tous les sujets du roi. Et au besoin, à les soulever contre lui. En tout cas, ces navires sont un danger public. Ces trésors jetés sur le marché causeraient une perturbation inouïe. Et d'autre part, si les navires levaient l'ancre, comme ils peuvent le faire à tout instant, quelle diminution formidable de la richesse nationale! Ils ne sont pas à nous! Il serait facile de démontrer le contraire à votre majesté. Je voudrais entendre ça! En tout cas, elle a le droit d'exiger que ses richesses soient remises en circulation prudemment, sous son contrôle. Et d'en prélever une bonne partie pour les besoins de la défense nationale. Pourquoi tant de façons? Raison d'État. Il serait sage d'ouvrir une enquête pour savoir d'où viennent cet or et ces bijoux. D'où ils viennent? Mais naturellement, d'où ils ne sont plus. Votre majesté l'a dit, du vol. Séquestrons d'abord. On enquêtera ensuite. J'ai visité trop rapidement le navire aux pierreries. Votre majesté me permettra-t-elle d'en faire l'inventaire? Le ministre des Finances sort. Si, la prudence exige que je l'accompagne. Si quelques bijoux disparaissaient, mon cher collègue pourrait être accusé faussement. Le ministre de la Guerre sort. Votre majesté ne pense-t-elle pas que je devrais les accompagner tous les deux? Le ministre de l'Intérieur sort. Je pense qu'il serait prudent de les surveiller tous les trois. Le roi sort à son tour. Alors, Pierre apparaît. Je n'ai jamais écouté aux portes. J'avais tort. Le nabab m'a dit de compter les verres. Il n'en manque que deux. Oh, Pierre! Que fais-tu ici, malheureux? Ils vont t'arrêter de nouveau. Ah, je le crains. Ils en ont de meilleures raisons que jamais. Et sauve-toi vite. Pas avant que vous ne m'ayez embrassé. Vous me l'aviez promis, je souffre d'un baiser rentré. Elle l'embrasse. Et disparaît maintenant. Et non, je ne peux pas. Et pourquoi? Parce que je suis le propriétaire de Serafio. Oh, tu... Vous êtes... Oh! Pourquoi ne me l'avoir pas dit tout de suite? Pour que vous m'embrassiez sans le savoir. Remettez-vous, duchesse. Oh. Elle s'assied, il lui verse à boire. Alors, que devient la gouvernante? Eh bien, le soir de votre fuite, elle a eu une congestion cérébrale. Ah. Oui, mais on a peur qu'elle n'en réchappe. Oh, ce verre! Il est en or? Naturellement. Mais avec vous, je ne crains rien pour lui. Que dites-vous? Rien. Oui, je suis devenu riche, tout d'un coup. Mais comment? Que vous importe. L'essentiel est que je le sois, n'est-ce pas? Je le suis énormément. Ah, je le vois, c'est... Oh, ça donne le vertige. Un doux vertige? Eh, pas désagréable. Plus doux qu'un baiser? C'est autre chose. Mais les deux à la fois. Mais que ferez-vous de toute cette richesse? Je ne sais pas encore. Peut-être la dépenser pour une femme. Oh, une femme raisonnable se contenterait d'une partie. Vous êtes une femme raisonnable? Pourquoi me le demandez-vous? Est-ce que vous m'épouseriez maintenant? Ce maintenant est trop. Je vous ai dit que vous étiez mal élevé. Je suis mal élevé, mais séduisant tout de même. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Dites-moi si vous m'épouseriez. Oh, Pierre, vous me prenez au dépourvu, moi. Je comprends. Vous êtes duchesse et moi, tout doré que je sois, un vil roturier. Excusez-moi, n'en parlons plus. Oh, mais c'est pas du tout ça, pas du tout, mais me décider si vite... Je suis femme. Parbleu, c'est bien une femme que je veux. Vous me bousculez, vous... Délicieusement, mais vous me bousculez. Ah, pas de simagrée, hein? Vous devez me dire à l'instant, oui ou non? Ah, Pierre, je vous épouserai. Elle se lève et lui tend les bras. Eh bien, moi, non. Goujat ! Oh ! Oh ! Elle sanglote. Rageusement, elle fourre deux verres dans son sac, puis se remet à sangloter. Arrive le roi. J'ai vu un satyre presque aussi beau qu'un papillon du brise. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, sire! Sire, mangez-moi! De quoi? De cet infâme qui, sous prétexte qu'il a tant d'or et de diamants, s'est permis de... Mais de quoi? De m'embrasser d'abord. Et puis? Eh bien, rien, justement, rien. Rien, je consentais, il a refusé. Pour cacher ma honte. Il n'y a rien de plus impudique qu'une vierge. Oh. Allez, prendre l'air. La demoiselle sort. Le roi regarde la chaise, la soupèse, s'assied, manie le flacon et les verres, puis se sert et boit. Apporte le flacon pour bricoler l'ivresse. Le nabab entre, amenant Pierre. Sire, j'ai enfin découvert mon ami que sa timidité a retenu de se présenter à votre majesté. C'est le petit papage. C'est lui qui embrasse toujours. Alors, tu es capitaliste, petit tambour. Tu es un petit cachotier. Mais tu es très imprudent. Pas pour le baiser, non, ni pour avoir voulu épouser ma fille. Volontiers, je t'en aurais fait cadeau. Mais d'abord, tu n'avais pas d'argent et maintenant, tu en as trop. Mes ministres veulent ta mort, je ne sais pas si je dois la vouloir. Sire, vous êtes le roi. Je suis le roi, c'est vrai, mais le roi, ça n'est que moi. La princesse entre en trône. Pierre s'écarte brusquement. Où est le propriétaire? L'insolent qui ne s'est pas montré, qui ne m'a même pas laissé en souvenir un petit diamant. Sire, comment pouvez-vous supporter cette insulte? J'en aurais eu au moins un vrai dans ma couronne. Vous ne pensez jamais à votre fille. Elle arrache sa couronne et la jette à terre. Au contraire, j'y pense encore plus souvent que je ne voudrais. Tu vois, en ce moment, je pense. Ah, j'ai trouvé. Un roi arrange tout. C'est le métier d'un roi. Veux-tu le vaisseau tout entier? Je te le donne. Oh, papa! Je te le donne, mais avec le propriétaire. Oh. Tu dois épouser le propriétaire. Ah, oh, mais où est-il? Au moins, montrez-le-moi. S'il n'est pas bossu ou bancal ou borgne, je condescendrai peut-être. Le médecin a dit qu'il est très bien constitué. Il montre Pierre. La princesse pousse un cri. Ah! Et s'apaise sur une chaise. Tu vois combien elle t'aime. Une femme qui t'aime tant, tu dois l'épouser. Majesté, je ne suis qu'un petit tambour. Un petit tambour, tout en or. Et puis tu sais jouer des baguettes. Hein? Moi, je l'ai jamais su. Entre les trois ministres et la demoiselle, le roi passe à Pierre la main de la princesse. À ton tour de taper. Voilà ce voleur, ce conspirateur. Ce suborneur. Échappé de prison, coupable de lèse-majesté. Je l'arrête. Arrêtez-vous vous-même. Il ne laisse pas ma majesté. Il la met à l'aise. Alors, saluez le futur gendre du roi. Saluez. Tous s'inclinent respectueusement. La princesse ouvre les yeux, Pierre se relève. J'aurais aussi un collier de perles. Alors, petit tambour, tu la prends? Pour vous faire plaisir, Majesté. Merci. Pour promener mamie, et le troisième pour promener mamie. Pierre sera bientôt gendre du roi. Il a la richesse, la puissance et l'amour. L'amour, est-ce bien sûr? Sur le point de réaliser ses rêves les plus audacieux, quelque chose lui manque sans doute, puisqu'il rêve encore. Le voici à l'avant du troisième navire, celui sur lequel il n'y a rien que le désert de la mer et du ciel. Rien. Pour celui qui a tout, quel attrait mystérieux. Mais qui vient le déranger? Séverin et Mathieu ont des uniformes rutilants de généraux. Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Je tourne le dos. À qui? À toute la terre. Pour nous. Oh, vous êtes ridiculement habillé, moi aussi. Pour moi, je ne trouve pas. Moi, je suis encore un peu gêné. Et la première fois qu'on m'a appelé général, j'ai cru qu'il y en avait un derrière. Et je me suis mis au garde à vous. Et moi, je me suis habitué tout de suite. Il y a longtemps que j'aurais dû l'être. On connaît des généraux qui ne sont pas plus malins que moi. Et même des maréchaux. Quand tu seras gendre, tu ne pourras pas me faire ministre de la guerre à la place de ce vilain escogriffe. Tu pourras tout. Ça te donne pas le vertige? Mais en attendant, je peux rien. Je m'ennuie un peu. Enfin, patience quelques jours. Après, on verra ce qu'on verra. Mais tu pourrais regarder ton or et les pierreries au lieu de venir sur ce bateau. Il n'y a rien. J'y viens justement parce qu'il est vide. T'as toujours été un rêveur. Tu n'as pas la princesse pour te distraire? La princesse. C'est une sacrée belle fille. La princesse est avec les couturiers. Et les lingères, et les chausseurs, et les bijoutiers. On m'a raconté ça. Et que la gouvernante la lâche pas d'une semelle. Il paraît que c'est la règle jusqu'à la minute où elle en l'amènera dans ton lit. Même qu'on rigolait. C'est la gouvernante qui vous bordera? Oh, moi, ça me couperait le sifflet. Ah, pauvre Pierrot. En attendant, écoute, on va te dire. On a amené ici la patronne de l'auberge pour te dire bonjour. Elle osait pas, mais on l'a assuré que t'avais beau être devenu prince, t'étais pas devenu fier. Louise? Qu'elle vienne tout de suite. Mathieu fait un signe. Louise paraît. Elle est tout endimanchée. Séverin et Mathieu disparaissent avec une discrétion affectée. Louise s'avance, fait la révérence. Monseigneur. Oh, Louise. Louise. Excusez-moi, je me retire. Non, tu n'as pas compris. Je voulais te dire, laisse le monseigneur et dis-moi-tu comme la dernière fois. Je ne suis qu'une paysanne, mais je sais ce qu'on doit au prince. Il n'y a pas de prince ici, puisqu'il n'y a pas de trône. Assieds-toi là, tiens. Pourquoi es-tu venu, puisque tu me croyais un autre? Oh, vous ne pouvez pas être celui que tu as été. Être à la fois celui-là et un autre, c'est impossible. On m'a dit que je pouvais tout. La prochaine fois que tu viendras me voir, mets ton vêtement de tous les jours. On ne me laissera pas entrer. Bon, c'est moi qui viendrai te voir. Tout le monde vous reconnaîtra au passage. Et puis, je ne veux pas, Pierre. Je suis venue te dire adieu parce que je vais quitter la ville. Où vas-tu? Je retourne au pays. Bon. Ton village est près du mien. Va saluer de ma part toutes ces bonnes gens. Excusez-moi, monseigneur. Si l'on savait que je vous ai connu, j'aurais beaucoup d'ennuis. Évidemment. Non, reste encore un peu. Tu as visité les autres navires? Oui, c'est vrai, et Mathieu me les ont fait voir. Ils sont si drôles dans leurs beaux costumes. Mais les navires, quelle splendeur, hein? Oui. Surtout celui des pierreries. Peut-être. Mais l'or aussi brille. Je te donnerai un bracelet d'or et des boucles d'oreilles de diamants. Tu ne me réponds pas? C'est pas assez. J'ajouterai une bague avec un saphir et un collier de perles. Oh, c'est pas encore assez? Non, je ne veux rien. Vous êtes devenu méchant. Non, un peu méfiant seulement. Je ne t'oublierai jamais, Louise. Sûr? Sûr. Ah, voilà le plus beau cadeau. Maintenant, je peux m'en aller. Non, attends. Un petit moment encore. Pas besoin de parler. Vous savez, j'aime mieux ce bateau-ci que les deux autres. Mmh. Moi aussi. Je pense que c'est sur celui-ci que vous voyagerez avec votre femme. Et que vous serez heureux. Louise, en vérité, je ne savais que faire de ce bateau. Tu as trouvé à quoi il doit servir. Vraiment? Je suis contente. Paix! Paix! V'là la princesse! Elle approche dans une barque avec la gouvernante! Eh bien, qu'elle vienne! Bah, tu n'y penses pas si elle te trouve ici, si elle la trouve, elle! Oh, laissez-moi partir! En effet. Mathieu, fais descendre Louise par la coupée de bâbord, tandis que Séverin fera monter la princesse de l'autre côté. Adieu, Louise. Adieu, Pierre. Mes respects, monseigneur. Elle sort avec Mathieu. Si je te débarrassais de la gouvernante. Ça m'est égal. Ah, au fait, oui, si tu peux. C'est vrai, c'est l'ambiance. Pierre retourne rêver à l'avant. Ça va ? Tire-la par les feux ! La princesse paraît. Elle porte un énorme collier de perles. Pierre s'avance et lui baise la main. Oh, ma fille, je ne vous avais encore jamais vu rire. J'étais déjà sortie de la barque, alors elle a basculé et la baronne est tombée à l'eau. Oh, c'est le premier bain de sa vie. Prince, ne m'appelez pas marquise. Les prénoms sont réservés pour les moments d'intimité. Princesse, je suis honorée que vous ayez pris la peine de venir me voir. Je ne suis pas venue vous voir. Je suis curieuse de ce navire où vous ne m'avez pas invitée. Que me cachez-vous ici de plus précieux que l'or et les diamants ? Vous ne devez rien me cacher. Montrez. Mais rien, princesse. Ce navire ne contient rien. Ah, si. Mes pensées. Mais montrez-moi vos pensées. Elles m'appartiennent aussi. Et si je cachais ici une femme, qu'est-ce que vous diriez ? Je vous répudierais. Non. Non, je ne peux pas, puisque vous n'êtes pas encore mon époux. Je vous arracherai les yeux. Ceci me plaît. Nous pourrions nous entendre. Ah, princesse. Ce navire pourrait en un instant s'emplir du trésor le plus précieux. Oh ! Est-ce possible ? Lequel ? L'amour. L'amour ? Ah, oh, vous l'avez bien dit. Parlez-moi de l'amour. Apportez-moi un fauteuil. Il n'y a pas de fauteuil. Sur le vaisseau de l'amour, un lit seul aurait sa place. Et même pour le véritable amour, le lit le plus doux serait ce plancher par une nuit tiède. Sous les étoiles. La princesse s'assied avec précaution sur la caisse. Le navire serait lentement bercé par les flots invisibles. Nous croirions voguer sur l'infini. Tout le mystère du monde nous entourerait, mais ce ne serait pas pour nous un secret, car le regard de l'amour pénètre au-delà de la mer la plus profonde et monte plus haut que le ciel. Nous serions seuls, et pourtant nous remplirions l'espace. Nous nous tairions, et du clapotis des vagues s'élèverait une musique si belle, si belle, que nous ne nous lasserions jamais de l'entendre. Oh, parlez. Parlez encore. Oh, pardon. J'écoutais la musique. Vous ne l'entendez pas ? Nous parlerions aussi, oui. Nous ririons et nous pleurerions quelquefois. Vous avez ri. Savez-vous pleurer ? Pourquoi pleurer ? Je ne pleure jamais. Vous apprendrez peut-être. Quand je vous aurai fait pleurer, vous dédaignerez tout ce qui n'est pas l'amour. Il s'assied à côté d'elle. Et l'on l'a. Oh, que faites-vous ? Mais... Restez. Vous pouvez. N'est-ce pas ? Un bras autour du cou est le plus beau collier. Oh, j'aime. Vous pouvez serrer plus fort ? Non. La tendresse a des gestes doux qui prennent mieux l'âme. Et puis je vous ferai mal avec ce collier. Il a détaché le collier, le regarde, puis le jette par-dessus bord. Mon collier ! Elle se précipite vers le bastingage. Mais que d'émotions pour quelques pierres. J'en ai d'autres. C'était le plus beau de tous. Oh, c'est stupide. Et voilà, je vous ai fait pleurer. Brute. Princesse, passez avec moi sur l'autre navire. J'y ai de quoi vous consoler. Celui-ci n'est pas digne de vous. Ma fille, joli tambour, je te donne ma fille, rire en bas d'aplomb, je te donne ma fille. La veille du mariage, il y a grande fête de nuit chez le roi. D'une terrasse à l'entrée des jardins, on voit sous d'intenses projecteurs se dresser en cauchemar l'énorme et affreuse façade du palais royal. Arrive le nabab qui semble fuir vers les jardins. Mais il s'arrête et se dissimule en voyant entrer le ministre de la guerre, tenant par la taille une dame largement décolletée. L'un et l'autre ont évidemment beaucoup bu. Quelle ribouldague magnifique, hein, ravissante comtesse. Quelle royale débauche en l'honneur des temps de fiancée. Toute la cour zigzague, sauf moi, bien entendu. Le vieil imbécile lui-même a sa couronne sur l'oreille. L'avez-vous vu loucher sur les seins de ces dames ? Oh, mais les plus beaux sont sous mes yeux. À portée de mes mains, nom de Dieu ! Oh, nous avons une demi-heure avant la fête sur la rivière. On peut descendre dans les jardins. Pour une fois qu'on ne s'embête pas. ici. Profitons-en. Ils sortent. Alors paraît le ministre des Finances avec une dame aussi décolletée que la première. J'ai vidé pour ce soir le dernier tiroir de la caisse de l'État. Mais le lendemain du mariage, ils seront pleines, comme ils ne l'ont jamais été. Mais on a bien joué le petit prince. C'est moi qui ai fait le contrat. Oui, si je bégayais un peu, ce n'est pas pour faire ma gosse, majesté. Non, j'ai un peu bu. Et vous aussi, hein, chère marquise. Allez, allons nous reposer sous les bosquets. Ils disparaissent. Entre Séverin et la demoiselle, fort décolletée. Général, je ne suis pas très solide sur les jambes. Soutenez-moi. Oh, comme souteneur, on ne fait pas mieux que moi, duchesse. Ah, duchesse, je voudrais vous soutenir toute ma vie. On pourrait y penser. Je suis bel homme. Ah, c'est bien. Vous en avez pincé pour le petit Pierre, croyez qu'il ne me vaut pas. Je le crois sans peine. J'ai des états de service extraordinaires. Tout ça vaut bien une couronne ducale. Un traitement de général. C'est gros. Très gros, mais... Je vais vous faire une confidence. Gardez-la pour vous. Je serai ministre de la guerre. Il me l'a promis. Oh, vous êtes très fatiguée, chère duchesse. Je connais un banc sous la charmille. Il la soulève dans ses bras et l'emmène. Paraissent Mathieu et la gouvernante. La gouvernante a une robe montante à traîne. Vous étiez seul, général, dans les salons fourmillants de jeunes beautés, mais j'ai compris. Vous n'aimez que les femmes sérieuses. Vous n'en trouverez guère ici. En vérité, une seule. Vous avez remarqué que je ne suis pas outrageusement décolletée comme toutes ces péronnelles. C'est que je me réserve tout entière pour l'homme que j'aurai choisi. La vertu est la plus belle parure d'une femme. Le roi m'a promis que l'homme que j'épouserai serait fait baron. Venez dans les jardins. On y est encore mieux à l'abri des regards indiscrets. Elle entraîne Mathieu. Le nabab sort d'une des cachettes. Il rit silencieusement et se frotte les mains. Puis il fait vers le palais un geste de malédiction. Au même moment, Pierre arrive assez éméché. Pourriture. Pourriture. Voilà celui qui portera le feu du ciel. Béni sois-tu. Ah, vous êtes toujours de triste humeur, nabab. Vous n'avez pas assez bu. Est-ce le champagne ou les jolies femmes? Je me sens plein de gaieté. Ce n'est plus l'heure de rire. Oh, au moins, laissez-moi rire. Vous m'avez promis la richesse et la puissance si j'épousais la princesse. Eh ben, je l'épouse. Je peux pas dire que j'en mourrais d'envie. Mais c'est bien pour vous que je le fais. Et il manque de moelleux. Ce soir, elle est tellement ivre qu'elle m'embrassait devant toute la cour. Et comment, hein? Quand elle se décide, elle n'y va pas de main morte. Il a fallu l'enfermer dans ses appartements. S'il suffit d'une bonne bouteille, ça pourra aller. Tu es ivre? Peut-être un peu, oui. Mais je n'oublie pas que je vous ai promis encore autre chose que de goucher avec Marfise. Pas à vous seulement, hein. Et à deux petits gamins qui me trottent par la tête. J'ai parlé ce soir au ministre. Et j'ai déclaré au matamor de la guerre, comme dit mon beau-père, que je ne voulais plus de canon sur la terrasse du palais. D'ailleurs, je le démissionnerai. C'est Séverin qui le remplacera. Il n'y a pas plus lâche que lui, et ça nous changera des ministres qui n'ont pas peur de la guerre à tel point qu'ils oublient de la préparer. J'ai dit au cafard des finances qu'il n'y aurait plus qu'un seul impôt sur le port des décorations. Et que pour le reste, la loterie nationale suffirait aux besoins de l'État. Quant au renard de l'intérieur, il s'est assis sur sa queue quand je lui ai déclaré que je n'admettrais plus dans la police que des pères de famille nombreuses, et que la loi sur la presse tiendrait en deux articles. Article 1, les fonds secrets sont supprimés. Article 2, tout journaliste convaincu de mensonge sera pendu. Je leur ai dit que ce n'était qu'un commencement. Ils m'ont répondu, Altesse, c'est déjà bien, mais nous espérons mieux. Que pensez-vous de cette réponse, nabab? Je pense, mais attends un peu. Il le tire vivement en arrière, le pousse dans une cachette et se dissimule à son tour. Les trois ministres paraissent. Les bosquets ont des oreilles. Nous sommes ici en sûreté. Le secret est tout l'art du gouvernement. Ce n'est pas l'avis de notre jeune fou qui veut qu'on gouverne par la franchise. Et par la douceur. Il m'a même parlé d'honnêteté. Il confond les règles de la vie publique avec celles de la vie privée. Et encore dans la vie privée, avec ces principes-là. Oui, on ne va pas loin, ou par miracle. Il n'ira pas loin. Nous n'avons qu'à le laisser faire. Et un miracle n'est pas impossible. En politique, il faut tout prévoir. Même le miracle. Notre jeune fou est déjà populaire. Un enfant du peuple sur les marches du trône. Le bruit court dans la foule qu'il va tout changer. Tout changer. Et je vous dis que les choses les plus absurdes peuvent arriver quand tout le monde croit qu'elles vont arriver. Depuis quelques jours, l'excitation publique s'accroît d'heure en heure. Ouais, enfin vous n'en savez rien. Naturellement. J'ai des yeux à tous les coins de rue et des oreilles dans tous les murs. Ne méprisez pas le petit bonhomme. Il est de taille à nous jeter tous par terre. Nous sommes à la veille d'une révolution. Une révolution, sacrebleu. Si tout le monde y croit, elle est faite. Vous nous faites peur. Allons, rassurez-vous, rassurez-vous. La foule est enceinte d'un miracle. Hein? C'est bien simple. Nous la faisons avorter avant terme. Ah. Une bonne petite émeute soigneusement organisée, avec le nom du prince Pierre sur beaucoup de petits drapeaux, et une bonne petite répression encore plus soigneusement préparée. Magnifique. Oh, génial. C'est le pont aux ânes. Du même coup, le grand changement et le prince capouté. Et pas avant que la dot soit versée. Aussitôt après le mariage, au sortir de la cathédrale, quand il paraîtra sur le parvis pour recevoir les acclamations du peuple, il sera acclamé plus qu'il ne l'aurait voulu. Les lumières du palais s'éteignent. Allons dormir sur nos deux oreilles. Il voulait que j'enlève les canons de la terrasse. Je les ferai charger demain matin. Ils s'éloignent. Pierre et le nabab reparaissent. Tout va bien. Vous trouvez? Je suis un peu dégrisé, moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire d'ici au grand jour? Le pont aux ânes. Le gouvernement organise une petite émeute. Le prince héritier en fera une grande. Ils t'ont tendu leur piège. Tu tends le piège du piège. Seule la ruse triomphe de la ruse et la violence de la violence. Je n'aime pas beaucoup ça. Tu as peur? Non. Après la guerre étrangère, la guerre civile, ça ne me dit rien. Tu veux faire un monde meilleur? Détruis d'abord celui qui est. Détruire est le premier geste de la puissance et le plus voluptueux. Que ne l'ai-je compris plus tôt? Sois sans pitié, ils n'en auraient pas pour toi, je les connais. Je suis la quintessence de ce qu'ils sont. Je me fais horreur, comme ils me font horreur. Nabab, je vous aime, ayez au moins pitié de vous. Le feu, mon enfant, le feu, et que je monte sur ce bûcher. Il le sent. Feu du ciel, le feu du ciel. Oh, on réclame le feu d'artifice. Oh, il n'y en a pas. Ça me fait peur. J'ai fait un tour dans les jardins. Oh, belle soirée pour la repopulation. Petit, avoue que lorsque je marie ma fille, je fais bien les choses. Hein? Heureusement que je n'en ai qu'une, et je te la donne. Ne me dis pas merci, et me la si tu peux. L'amour, ça arrange tout. L'amour. Sire le roi, je vous en remercie. Sire le roi, je vous en remercie. Sire et rend pas d'apprend, je vous en remercie. Voici le lieu où, dans quelques instants, Pierre doit sacrifier sa liberté sur l'autel de l'ambition. C'est l'intérieur de la cathédrale. Gigantesque vaisseau d'une architecture baroque, exaspérée, surchargé aujourd'hui de tapis, drapeaux, banderoles. De la tribune où nous sommes, à mi-hauteur de la nef, on ne voit pas la foule qui est en bas, mais on entend son sourd murmure. La tribune donne d'un côté sur un escalier de descente, de l'autre sur un passage communiquant avec le palais royal. Pierre est seul, tourné vers l'intérieur de l'église. C'est à vomir. Entre le gamin très proprement vêtu. Il fait un signe dans l'entrée, la gamine apparaît, habillée de vives couleurs. On voit mieux d'ici. C'est beau. Il y a un drapeau de la même couleur que ta cravate. C'est déjà plein de monde. On nous a laissé entrer parce que nous sommes bien habillés. On a bien fait de jaser tous ces vanupiers. Ils sont dégoûtants. Vous ne me reconnaissez pas? Non, monsieur. Faut pas rester ici. C'est par là que passeront le roi avec le prince et la princesse pour descendre du palais à l'église. Oh, je voudrais voir le roi de près. Et moi, la princesse. Allez-vous-en! Les gamins s'enfuient. Hé, Pierre, je te cherchais pour te dire adieu. Hein? Après la cérémonie, je m'en vais. J'ai demandé ma retraite. C'est vrai. Je veux dire, monsieur le ministre me l'a accordé tout de suite. C'est une belle retraite. Je te la dois. Tu n'as pas pensé que je pourrais avoir besoin de toi? Toi? Tu seras presque roi. Ah, que veux-tu, je ne plais pas ici. Je sais pas, j'y respire pas. Tous ces gens, c'est suffocant. Oh, tu vois cette femme à genoux contre le troisième pilier qui prie. Tu ne la reconnais pas? Mais c'est Louise. Elle part aujourd'hui. Elle a voulu prier pour toi. Tu l'accompagneras? Je ferai un bout de chemin avec elle. Une femme seule sur les routes. Elle est toute seule. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Non, tu peux pas savoir. Adieu, Mathieu. Adieu, Pierre. Sois heureux. Heureux? Là où je suis, ça n'a pas d'importance. Arrête, t'as tort de dire ça. Ouvrier ou prince, sans un peu de bonheur, on n'est pas bon à grand-chose. Tâche d'y trouver moyen. Il sort, croisant le nabab. Fidèle au rendez-vous, à la bonne heure. Tout est prêt, j'ai répandu beaucoup d'or, c'était plus sûr. C'est un utile combustible au feu de l'enthousiasme. Beaucoup d'or? Ils ne désirent pas autre chose et le dépenser ensuite à boire, que t'importe. Ce peuple est le fumier où poussera la plus belle fleur que tu cueilleras, Pierre. La plus belle fleur, je l'accueillerai, nabab. À tout à l'heure, donc, sur le parvis, sur les marches de ton triomphe. Il sort. La princesse apparaît. Elle est vêtue d'une robe blanche, resplendissante de diamants. Sa traîne immense est soutenue par le petit nègre habillé de blanc. Elle est suivie de la demoiselle et de Séverin. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas encore habillée, c'est incroyable. L'exactitude et la politesse des rois. Mettez des souliers à talons très hauts. Vous êtes plus petit que moi. Je n'y avais pas pensé, c'est désagréable. Tâchez de gagner quelques centimètres. Ah, si vous aviez la taille du général. C'est mademoiselle d'honneur qui va s'offrir le plus bel homme. Enfin. Cydalise, y a-t-il beaucoup de monde? Regarde, je ne dois pas encore me montrer. La demoiselle et Séverin se penchent à la balustrade. L'église est pleine à faire peur. Une souris ne passerait pas. Comment passerais-je avec ma traîne? Un escalier dans un pilier s'ouvre juste derrière les trônes. Votre Altesse sortira du rocher comme la Sainte Vierge à Lourdes. Vierge, je suis jusqu'à ce soir. Ah, il y a de beaux moments dans la vie d'une princesse. Et que sera-ce ensuite quand j'apparaîtrai sur le parvis devant la foule du peuple assemblé sur la place immense? Princesse... Comment, vous n'êtes pas encore partie vous habiller? Oh, mais attention, vous marchez sur ma traîne. N'allons pas sur le parvis. Vous dites? Dès que notre union sera bénie, j'aurai si grand désir de rester seule avec vous. Ah, seule avec moi, nous avons le temps. Prince, prince, pas avant ce soir à 23h30. Quoi? Tout est réglé. Vous n'y pensez pas? Me soustraire aux acclamations passionnées de tout un peuple? Les ministres m'ont assuré qu'elle surpasserait mon attente. Une apothéose. Mon apothéose. Ah, je suis très excitée. Mais puisque tout le monde le veut... Il sort. Le trône du prince est un peu plus bas que le mien, n'est-ce pas? Bien entendu, Altesse. J'y ai veillé. Il sera mon époux, mais il n'est pas de sang royal. Les distances doivent être gardées. Cydalise, est-ce que vous garderez les distances? Ah, vous ne me les faire oublier. Baronne, le roi est en retard. C'est incroyable. Allez voir s'il n'est pas dans sa collection de papillons. Oh, les hommes sont tous des enfants. Je deviens nerveuse. Oh, nègre, si tu laisses traîner ma robe, tu seras fouetté. Altesse, prenez garde à la couronne. Je sors de la chambre de sa majesté. J'avais frappé. Il avait crié entrer. Oh, sa majesté. Ah, enfilait son auguste culotte. Sa majesté, craignant les effets de l'air méphitique expiré par ses milliers de poumons, c'est fait faire une injection intramusculaire polyvalente dont j'ai le secret. L'effet en est merveilleux. Sa majesté désire, en vérité, elle exige que son Altesse prenne la même précaution. Affaire d'une minute. Et l'opération sera faite avec tous les ménagements dus à des fesses royales. Ça ne se verra pas ce soir. Je m'en fous, mais ma robe sera chiffonnée. Allons vite. Cydalise, vous vous faites piquer? Grand sadique. Et voilà comme je suis, vous l'espériez pas. Docteur, vous me piquerez aussi? Est-ce nécessaire? Piquez, piquez. Le cortège sort en rate. Le gamin et la gamine entrent. Ils sont partis. C'est très dangereux ce que nous faisons. Non, ils ont dû passer d'un autre côté. La princesse est belle. Elle est méchante. Nous serons seuls ici, quelle chance. Les enfants sautent et dansent. Pierre paraît. Il porte un long manteau brodé d'or et une couronne. Les enfants veulent s'enfuir. Non, restez! Les enfants se jettent à genoux. Sire, pardonnez, en bas nous ne pouvions pas voir. Nous sommes trop petits. Moi aussi. Maintenant, dites-moi la vérité. Et prenez garde de ne pas mentir. Souvent, on met les gens en prison pour avoir dit la vérité, mais avec moi, c'est le contraire. Est-ce que vous aimez le roi et la princesse? Oh non, ils font trop peur. Tout le monde en a peur. Pourquoi? Papa a dit. Bon, je sais ce que papa a dit. Et moi, est-ce que vous pourriez m'aimer? Non. Même si je venais jouer avec vous? Vous ne pourriez pas. Ah. Avec ce manteau et cette couronne, non, bien sûr. Mais comme ça! Il a enlevé son manteau, sa couronne, sans pourquoi. Comme ça, oui! Et jouons à saute-mouton! Ici? Mais naturellement! Il fait avec le gamin une passe à saute-mouton. Hop! J'ai peur que le bon Dieu se fâche! Mais je viendrai chez vous, près de la petite chapelle où le bon Dieu n'est plus. Nous serons plus à l'aise. Maintenant, puisque je suis le prince, vous devez m'obéir. Au bas de l'escalier, il y a une petite porte qui met dans la rue. Rentrez à la maison! Ici, ce n'est pas un endroit pour les enfants aujourd'hui. Au revoir, prince! Mais non! Dites au revoir, Pierre! Au revoir, Pierre! Elle l'embrasse. Les enfants sortent. Pierre regarde un instant à la balustrade. Et ce n'est plus un endroit pour moi non plus. Il griffonne quelques mots sur un papier qu'il pose sur les vêtements et sort. Arrivent le roi, la princesse, la gouvernante, le médecin, la demoiselle, Séverin, les trois ministres, les deux dames de la cour. Le prince n'est pas encore habillé? C'est incroyable. Je crois même qu'il se met même déshabillé. Oh, oh, un papier. Oh, c'est pour ma princesse. Mais, princesse, je n'ai pas de souliers à talons. Excusez-moi, adieu. Oh. Oh. Elle s'évanouit. La gouvernante et le petit nègre la soutiennent, le médecin s'empresse. Rattrapons-le! S'il a rejoint les émeutiers, c'est très grave, le contrat n'était valable qu'après le mariage! Sire, c'est la faillite! La faillite pour un état, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Mais on ne peut pas les renvoyer! Général, épousez-moi! Oh là là! Ah, je regrette mon petit Jean. Le monstre est un symptôme du dérangement mental! Folie des grandeurs et folie érotique à la fois, oh, nous l'avons échappé belle. Et tout de grâce et de paix. C'est le détour d'une route, à l'endroit où elle commence à descendre vers une riante vallée, dont les champs et les prés s'étendent doucement sous nos yeux. On voit à distance l'un de l'autre, deux villages avec leurs clochers. Il fait beau. La lumière est tamisée par une légère brume matinale. Arrivent Mathieu et Louise. Ah, voilà mon village, celui de droite. L'autre est celui de Pierre? Oui. Alors, Louise, vous restez? Si vous veniez avec moi, je suis à mon aise, vous savez, il y en aurait pour vous et ma famille. Non, je ne peux pas, Mathieu. Je ne peux pas l'oublier. Sacré Pierre! Il ne reviendra jamais, et pourtant il me tiendra toujours compagnie. Quand on aime, il n'y a pas de séparation. Alors, Louise, vous ne me quitterez pas non plus. Brave Mathieu. Je ne suis pas un prince. Lui, il en était déjà un quand il n'était qu'un petit tambour. Vous avez dit tambour, et ça a fait l'écho. C'est le crieur d'un village qui fait une annonce, ou des saltimbanques qui arrivent. Louise, la route est encore longue jusqu'à ce soir. Restez encore un peu. Non, je m'attendrirai. Ça ne va pas à mon genre de beauté. Mathieu reprend son sac et sort. Louise s'assied sur le talus. Louise écoute. Trois petits tambours en revenant de la guerre. Trois petits tambours en revenant de la guerre. Riront ratapaplan en revenant de la guerre. Louise se lève d'un bond. Puis retombe défaillante. L'un de tenait entre ses lèvres une rose, l'un de tenait entre ses lèvres une rose et rire en ratapaplan, entre ses lèvres une rose. Pierre entre. Il a revêtu son uniforme. Il a une rose à la bouche. Il va droit vers Louise. Bonjour, Altesse! Vous m'attendiez sur ce trône royal dans votre royal jardin? Oh, trop de statues, trop de vases, les allées sont trop bien ratissées. Votre page est un jeune veau, votre demoiselle d'honneur une petite grue et votre gouvernante un chameau. Vous-même êtes raide comme une mariée de jeux de massacre et la sottise resplendit sur vos traits souverains. Mais je ne vois rien parce que je suis un niais et que je ne regarde que votre couronne de diamants. Ils sont faux, mais qui s'en douterait? Vous êtes la fille d'un grand roi qui possède dans son cabinet la plus belle collection de papillons. Princesse, votre palais est en carton-pâte. Vos ministres sont des gangsters de cinéma. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Nous sommes le couple le plus mal assorti du monde. Mais je vous épouse pour faire le bonheur du peuple. Seulement, je m'aperçois que pour faire le bonheur du peuple, je dois d'abord le saluer à coups de canon et pas avec des cartouches à blanc. Alors, Altesse Sérénissime, sauf votre respect, je fous le camp. Comment, princesse? Vous pleurez? Ah, ça change tout. Une larme de vous est le plus vrai des diamants. Je voulais la plus grande merveille du monde, la voilà. J'avais perdu mes états. Tout d'un coup, je les retrouve. Ils sont beaucoup plus grands, ils sont immenses. Voyez ma capitale! Mon palais est là. Je me suis amusé à mettre un toit de chaume par-dessus les salles ruisselantes d'or et de pierreries. Le clocher de la cathédrale attend l'heure de sonner le carillon de nos épousailles. On l'entendra jusqu'au bout de la terre. Ça vous étonne? Vous ne me croyez pas? Je vous dis que lorsque nous paraîtrons sur le parvis de village en village, par-delà les montagnes et les mers, les peuples frémiront de joie et d'espoir parce que, voyez-vous, comment vous le faire comprendre? Il y avait une fois un pauvre nabab qui avait la science et la richesse. Il voulait encore la puissance pour faire avec tout ça le bonheur. Mais il n'y est pas arrivé, parce qu'il était triste et son cœur s'était durci. Et il y avait un petit tambour qui désirait aussi tout ça et qui a failli oublier que sans l'amour, tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Quand il se l'est rappelé, il est devenu un prince, un vrai Louise. Louise de la Piquette, un pauvre nabab. Son gosier brûlé ne savait plus goûter le seul breuvage divin. Maintenant, faites-moi risette, princesse, du naturel. Ce n'est pas pour le photographe. Là, parfait. Merci. Ce sourire-là, je le prends au bout de mes doigts et hop, je l'envoie par les espaces. À lui seul, il attendrira les cœurs de tous les hommes, comme un seul soleil mûrit tous les blés. Louise, viens. Nos sujets nous attendent. Je laisse cet instrument guerrier. Quand il sera crevé, dans mon pays, on a de plus joli, dans mon pays, on a de plus joli, rira, rapataplan, il y en a de plus joli. La Radiodiffusion française et la Société des comédiens français viennent de créer aujourd'hui pour vous Joli tambour, trois actes en 12 tableaux de M. Julien Luchaire, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici quelle en était la distribution. Messieurs Maurice Chambreuil, le roi, Marcel Lemarchand, l'huissier, Pierre Gallon, le gamin, Jacques Clancy, Pierre le joli tambour, Raoul Henry, le ministre de la guerre, Georges Baconnet, le nabab, Jacques Servière, le ministre de l'intérieur, Daniel Le Courtois, Séverin, le tambour-major, François Vibert, le ministre des finances, Georges Poulot, le médecin,